Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On fera comme ça Antoine Rioux en parlant de plein air avec la chronique Truc et Assis UQTR. Anne-Julie Durocher partagera ses envies du moment avec l'index d'Anne-Julie et Alexandre Carignan fera sortir notre côté artistique dans ce temps d'une culture. Assemblage requis tout de suite. Donc, j'en déduis, Mathieu, que tu t'es mis de proche de l'eau depuis deux jours. Relativement proche de l'eau. C'est tannant. Ben, c'est redondant, oui, je te dirais. Tu tannes un peu, à un moment donné, même si c'est vraiment cute. Oui. Tu sais, on le remarque dans l'intro, ça fitait parfaitement bien. On dirait même que c'était sur le beat, oui. La chanson. C'est cute, mais à la maison, il n'y a pas de beat. Entre minuit et 6. C'est ça. Entre minuit et 6, le beat, c'est mes ronflements. Oui. Ça fait... Mais je dis ça, mais est-ce que t'entends les bateaux ces temps-ci? Si j'entends les bateaux, oui. J'entends juste leurs cornes de brume. Oui, j'entends oui, beaucoup les cornes de brume. C'est l'enfer hein, de ça. Ah. Mais c'est aussi fort que ça dans votre voiture en ce moment, ou peu importe, en stéréo aussi. Ouais. Oui, les cornes de brume. Mais pour vrai, je trouve ça cute. Je trouve ça vraiment le fun. Oui. Mais peut-être pas la nuit. Moi, ça me réveille. Oui. Ben, moi aussi, plusieurs fois cette nuit. Mais c'est pas grave, je t'en forme, regarde-moi ça, regarde-moi l'humeur. Mm-hmm. Regarde-moi l'humeur. Wow! Donc, bonjour, bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 1er octobre, 1er roctobre. Oui. Ou coctobre. Octobre. Ça va dépendre des jours, oui, ou octobre. Octobre. Octobre. Ouais. Salut Jean-Philippe Charbonneau. Salut Mathieu Plante. Oh, ouais. Aujourd'hui à l'émission, ben, on a quand même quelques petits chroniqueurs de choix, je te dirais. On va avoir Anne-Julie Durocher qui va être avec nous vers les 8h30 pour l'index d'Anne-Julie. Et ça, c'est sa chronique où elle partage un peu n'importe quoi dans sa vie qu'elle a vécu, qu'elle a aimé ou pas aimé. Oui. C'est quand même intéressant, pas mal ça. À 9h, Alexandra Carignan et sa chronique d'art et spectacle, Le temps d'une culture. Aujourd'hui, par contre, on n'a pas Charles-Antoine Rioux et sa chronique Trucs et astuces du club plein air UQTR. Par contre, il nous a envoyé un petit quelque chose et on va se faire ça maison. Oui, un peu comme dans le temps avec la carte postale de Simon Fitzbé cet été pour ceux qui nous écoutaient à ce moment-là. Est-ce que tu vas imiter Charles-Antoine? Je pourrais essayer. Parce que si tu limites, il faut que tu limites de très très haut parce qu'il est grand. Oui, il est grand. J'ai de la barbe, il y a de la barbe, ça va. Ça va frotter dans le micro. Frotte. On l'entend pas. Refais. Ah, on l'entend un peu. Un petit peu. Ouais, pas si bien. Nastère, j'ai pas de micro. Toi qui pognes des rhumes tout le temps de ces temps-ci, les micros vont pas t'aider. Non. Donc, ce sera vers les 8h pour la chronique UQTR. Autour de ça, des petites chroniques maison, bien sûr, pour compenser. On a Kinky Sexy Time. Oui. Ça va faire aller la corne de brume. De tout le monde, ça. C'est ça, hein? On va aussi avoir C'est un fait Body Edition. Hey, buddy! Ça va même, buddy! Donc, ça sera... Comme le gars qui fait la cuisine. Buddy. Balastro. Le maître du gâteau. Ah, OK. Buddy Holly, peut-être? Ouais, peut-être. Il y a... Passe. Droit de réplique. Droit de réplique. Et voilà, un paquet d'autres choses. Peut-être même un Tu manges mon cœur si on file comme ça à matin. On va commencer en musique à l'instant avec une chanson de Ostra. Oui, pour bien nous réveiller ce matin, ça fit à mort. Eux qui, sur leur couverture, sont sur le bord de l'eau, un peu comme les cornes de brume, finalement. Oui. Et t'as parlé de sommeil tantôt, donc pourquoi ne pas entendre la pièce Sleep? Ah. C'est concept, le gars. Oui, quand même. Ouais. Impressionnant. Ben, merci, Colin. Moi, des compliments comme ça, j'en prendrais une corne de brume. Ça veut rien dire, pardon. Non. Ouais. We fall. C'était Ostra et la pièce Sleep. Oui. À Assemblage Requis, toujours en plein milieu de la brume. Que voulez-vous? C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça le matin, quand même, puis cette semaine. Mais depuis samedi. La brume, brume, brume, brume, brume, on dirait un rapper. Brume, brume, brume, brume, brume, brume. Hey, buddy. Maintenant, voici la chronique, c'est un fait. Ah, ça fit tout le temps avec la chanson. C'est la incroyable. Brume, c'est incroyable. Dessus. Donc, c'est un fait. Pourquoi t'es dans la plume? Ah, souvenir d'enfance. Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est un fait Body Edition. Oui, monsieur. Hey, Body. Ça, je t'appelle Body depuis le début de l'émission. Salut, Body. Comment Body, Body, Body, Body. Savais-tu que les hommes ont un utérus? Oh! Oui, une grosse partie féminine dans ton corps qui provient de notre époque ou phase à l'intérieur de maman. Hein, donc, les hommes ont un petit utérus non développé qui est juste à côté de la prostate. Ah! Je ne savais pas. Savais-tu aussi que ta langue a sa propre empreinte? Oui, ça me dit quelque chose. À la place d'une empreinte digitale, c'est une empreinte, j'imagine, linguistique. Linguistique. C'est ton empreinte sur la langue française. Oui. En parlant bien. Donc, un peu comme une empreinte digitale. Donc, t'as une trace sur ta langue avec des monts et vallées, si on veut, des petits patterns qui vont être différents de tous les autres. Ce serait, tu vois, peut-être dans le iPhone 6S. Tu lâches l'écran. Ça va être parfait. Il va falloir qu'il soit imperméable à l'eau. Voilà. Puis toi, ça pourrait t'aider si t'es imperméable à l'eau. Ben sûrement plus que moi. Je suis sûr que je suis pas le premier. Ouais, puis ça, tu fais beaucoup de salive en plus. Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'il est mort, ton téléphone. Oui. Je l'ai mis dans ta bouche. Mais en fait, c'est ça, je l'avais mis en dessous de moi. Je regardais... Là, ça fait bizarre. Je regardais mon ordinateur, puis je salivais. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Je regardais le menu de la pizza. OK. Ah, je pensais pas jeudi. OK. Non, c'est ça. Jeudi, c'est le jour de la pizza. Je pensais à la genre de la porn 3D où t'avais besoin vraiment de deux écrans. Ah oui. À deux endroits différents. J'ai déplié mon écran. Oui. L'os humain, un os dans ton corps humain, est aussi solide que du granit et aussi, dans le fond, fort que du ciment. Juste un petit morceau d'os, environ de la grosseur d'une boîte d'allumettes, peut supporter jusqu'à 2000 livres. Quand même. C'est beaucoup, ça. Donc, ça veut dire que quand tu te casses quelque chose, tu as eu un méchant impact. Mm-hmm. Pour casser ça. Ben, c'est peut-être comme le béton, hein. Ça peut supporter quand c'est bien fait, mais si, mettons, tu le fracasses à terre, ça va se péter. Ah ha! Oh ho ho ho! J'avoue ça. L'éternuement. Achou. Quand tu. Achoum! Juste au cas où les gens n'avaient pas compris, tu sais. C'est ça, faut l'illustrer. Que je le fasse. Les gens sont visuels, oui. Des fois. À la radio, tout le temps, bien important d'être visuel, tu sais. Donc, un éternuement moyen peut voyager plus de 100 000 à l'heure. À plus de 100 000 à l'heure. Même que si tu t'exerçais un petit peu, tu pourrais sûrement te battre dans une course de char. Wow. Genre. Mais incroyable. À quand le concours? À quand le concours? Sifu devrait organiser un concours. D'achou. Jusqu'où peux-tu éternuer? Ouais. À la place d'être Sifu, c'est... C'est chou. Achou-moi ça. Achou-moi ça. Achou 80. Les gauchers sont vraiment pas chanceux. Tu sais que les droitiers, en moyenne, selon une étude, vivent 9 ans plus longtemps que les gauchers. Mmh. Es-tu droitier? T'es droitier? Toi, je te vois boire ta tasse de café. Hein? Oui, je suis droitier. T'es pas ambidextre du verre? Moi, je bois souvent la main gauche plus. Il y a l'écriture... Je suis pas capable, à gauche. Bon, ça, c'est normal. Mais dans les sports, je suis majoritairement gaucher. OK. Dans la vie, je suis droitier. Ah! Ça fait de moi de quoi? Ça fait de quoi? De quoi je suis fait? Un semi-dextre. Un semi-dextre. Je pense que c'est un semi-dextre. On revient à la salive et on a parlé un petit peu hier. Étrangement, c'est un drôle de hasard qu'on avait parlé de ça hier. Mais dans sa vie, une personne en moyenne va produire 2 piscines de salive, si on l'avait dit. C'est presque 25 000 quarts. Quarts, c'est des verres de bière, je pense, des quarts, là, entre autres. Il y a une mesure pour les pintes. Non, pas des pintes. Pas des pintes. Des petits verres? Non, je pense pas. Des pichets? Non, je pense pas non plus. Des barils? Non, non! C'est sa propre mesure. Je cherche un quart, l'unité. OK, je l'ai la réponse. Wouhou! C'est fun, hein? Donc, le quart est une des 4 parties... Non, c'est pas ça. Une des 4 parties d'un tout, je le sais bien. Franchement, un quart équivaut à 0,25 litres. Ah, je pensais que t'allais dire un quart et la partie du poulet qu'on retrouve chez Saint-Hubert. Donc, 25 000 quarts, ce qui est beaucoup de bave, et assez pour faire un backstroke, pour nager dedans. Ouais, 2 piscines. 2 fois. Deux fois, oui, c'est ça. L'aller dans un bar, puis l'autre retour dans le cerveau humain peut emmagasiner 50 000 différentes odeurs dans sa mémoire. 50 000 odeurs! C'est beaucoup. Oui, bravo. Ton cerveau ne ressent pas la douleur. Tu sais que ton cerveau est rempli de neurones et de récepteurs et qui est capable, dans le fond, d'enregistrer, de comprendre la douleur de ton corps, mais ton cerveau lui-même n'a pas mal. Donc, quand tu sais, les docteurs, souvent, vont voir ça dans les émissions de télé, ils vont toucher au cerveau, puis ils vont tasser des affaires là-dedans, puis tout ça. Puis tu le sens pas, même si t'es complètement conscient. Mmh. Ton cerveau n'a pas de... Il ressent pas ça. Il ressent pas ça. Fait que gifle-le. Frappe-le contre la main. Ton petit intestin. Oui. Il est pas si petit que ça. Non, on l'appelle peut-être le petit intestin, mais ce tube de dans le fond, c'est quoi? C'est de la peau, ça? Genre? C'est de la peau, ça, le tube? C'est composé de quoi, ça? Bref, c'est pas le but de mon affaire. Mais fait en fait environ 4 fois ta hauteur. Donc, le petit intestin moyen d'une personne moyenne va mesurer entre 18 et 23 pieds lorsqu'il serait, dans le fond, complètement étiré. Impressionnant. Ça en fait de la saucisse. Oui, de la saucisse. Oh. Ouais, ce serait une belle laisse. Oui, aussi. Autre de ton coup. T'es plus grand quand tu dors. Parce que la gravité pousse tout vers le sol, vers la théorie de la gravité. Bref, là, c'est pas une théorie, je pense que c'est plus un fait, je pense, d'après moi. Donc, quand tu te couches dans ton lit la nuit, les disques, le cartilage dans ta colonne vertébrale vont prendre de l'expansion, ce qui va te rendre 8 mm plus grand ou plus long, si on veut. Là, c'est... Mettons que moi, je dirais peut-être plus long. Mais... ensuite de ça, manquer de sommeil, ça peut te tuer. Ah. Te tuer! Oui, oui. Donc, ton corps humain peut seulement survivre environ 11 jours de suite sans dormir, alors qu'il peut passer plusieurs semaines sans nourriture. Donc, après 11 jours sans avoir dormi, ton corps pourrait s'éteindre. Donc, tu vas commencer à halluciner bien avant ces 11 jours-là. Wow! Malheureusement. Ça prend du dodo. Ça prend du dodo. Et pour terminer, les accessoires de cheveux. Souvent, ce qu'on appelle le hairdo headache. Donc ça, c'est le mal de tête causé par les accessoires de cheveux. Là. C'est quand tu portes une queue de cheval trop serrée, peut-être des tresses, un bandeau, ou même une casquette une fois de temps en temps, ou même trop souvent. Donc tout ça, ça va mettre de la pression sur ton scalp. Et puis ça va causer, dans le fond, des problèmes avec les connexions de tes tissus dans ton cerveau ou quelque chose comme ça. Là. Ce qui peut mener à un mal de tête. Donc laissez tomber vos cheveux ou détachez un peu votre casquette de chez Lids. Chose comme ça. Je peux pas croire qu'on est rendu avec ça à Trois-Rivières. Je comprenais pas à Montréal, tu sais. Un magasin de casquettes seulement. Salut, c'est Shredder. Oui, c'est ça. Question de vivre dans le passé. Bon, eux autres, au moins, ils ont d'autres choses que des casquettes, je sais pas. Pas mal plus de choses. mais cela étant dit, c'est oui. Tout pour. C'est un fait Body Edition. Body Edition. Et Colin, j'aimerais avoir le doigt assez rapide pour aller nous chercher une chanson qui fit avec cet effet. Parce que la discothèque apparemment ne marche pas ce matin. Non. Je pense pas que je vais l'avoir. Je suis pas assez rapide. Parce que je suis pas droitier du clavier. Je suis plus gaucher du clavier. T'es gaucher du clave? Du clave de la cavité. Ah ben je. Est-ce que tu veux mentionner ce qui s'en vient plus tard, mettons une chronique, quelque chose comme ça? Ben oui, ben tout de suite après, je pense qu'on va faire la chronique plein air. Oui! Qu'on va se partager, moi-même et Mathieu. Toi-même et Mathieu, oui. Et puis, un peu plus tard, à 8h30, on aura Anne-Julie Durocher avec sa chronique L'Index. Tout à fait, mais pour l'instant, voici les surveillantes et la force de la gravité. Ah, c'est bon. Ça a été long, hein? Ben, c'est correct. On s'est bien débrouillé. Ouais, on fait un beau travail d'équipe. Mais tu me l'as demandé, mais c'est correct. Moi aussi. J'ai calculé la force de la gravité qui existe entre nous à un mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,2977974899 fois 10 exposant moins 7 newtons. Dans ma classe de physique, j'ai réalisé qu'Isaac Newton était un romantique avec sa théorie de la gravité. Et pourquoi nos deux corps se sont attirés? Ce n'est pas une pomme qui lui est tombée sur la tête, c'est plutôt un coup de foudre au fond de son être, rêvant tout doucement à ce grand mystère. La réponse lui est venue dans ses calculs. J'ai calculé la force, la gravité qui existe entre nous à un mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,2977974899 fois 10 exposant moins 7 newtons. J'ai calculé que la force de la gravité qui nous pousse l'un à l'autre pour être augmenté si on s'approchait. Qu'est-ce que tu en dirais si on s'approchait? La gravité s'aggraverait. Je veux renommer cette théorie, lui donner un nom bien plus joli pour décrire cette force sublime qui pousse les gens à faire des folies. Comme une pomme qui me tombe sur la tête, je ressens la foudre, je ressens ton éclair illuminé. Je me laisse aller à cette force plus grande que la gravité. J'ai calculé la force de la gravité qui existe entre nous à un mètre de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,2979789 fois 10 exposant moins 7 newtons. Pour être augmenté si on s'approchait, qu'est-ce que tu en dirais si on s'approchait? La gravité s'aggraverait. La force de la gravité des Surveillantes, une chanson que j'ai commencé à apprécier avec le temps. Disons que maintenant, je l'aime bien. Ah ben voilà. Au début, je n'étais pas convaincu, sûrement que vous ne l'êtes pas non plus. Et si vous allez voir le clip, vous allez être encore moins convaincu. Je sais pas. C'est un clip à la genre sketch dans une émission de, je sais pas, c'est les pirates dans le temps. Mm. C'est quand même drôle. Donc voilà pour les Surveillantes. Tantôt, on était en plein milieu de cet fait. Oui. Et on y retourne parce que le dernier fait qu'on a fait, tantôt, j'abuse du mot fait. Mm-hmm. C'était sur les accessoires de cheveux. Oui. Et c'était aussi le début d'un nouveau palmarès, en fait, d'une nouvelle liste de faits sur les choses qui peuvent activer un mal de tête. Oh! Ouais, ben donc, on va faire le reste de la petite liste ici. La crème glacée, pour commencer, vous connaissez les brain freeze, mal de tête soudain, quand tu manges de la crème glacée, quelque chose de très, très froid, un smoothie, un slushy. Donc, c'est quand la crème glacée touche le palais de ta bouche. Ça va faire que les vaisseaux sanguins de ta tête vont prendre de l'expansion et pour essayer de ramener ça au chaud. Et ça va amener des signaux de douleur, ce qui va résulter en un mal de tête. Normalement, évidemment, les brain freeze s'en vont en quelques secondes, minutes, mais vous pouvez l'empêcher, ce brain freeze-là, en mangeant la nourriture froide plus lentement. Et si vous voulez vous soulager rapidement, c'est d'appuyer votre langue sur votre palais très, très fort. Mmh, ben c'est bon à savoir. C'est bon quand même. Tu sais que je pense que c'est une fille de. Une sourdouille, genre de 14 ans, qui a trouvé ça. Le truc? Oh, ben non, qui a découvert pourquoi le brain freeze faisait un brain freeze. Okay. La dilatation, ce que tu viens d'expliquer. Oui, ouais. Intéressant. Cool. Mmh. Je savais pas ça. Une autre chose qui peut causer un mal de tête, c'est, withdrawal, c'est quand tu es en manque. Tu sais, mettons un drogué là, qui est en manque. En rechute. En rechute de caféine, si on veut. Donc, on sait que trop de café, ça peut aussi donner un mal de tête, mais ce qui est encore plus commun, c'est quand tu arrêtes de prendre du café. Donc, si tu ne prends pas ta tasse de café normale, tu vas finir avec un gros mal de tête. C'est quand ton corps est habitué à un certain niveau de caféine et que tu réduis ça. Si tu essaies de réduire ta caféine, il va falloir le faire graduellement, donc. Mmh. Un petit peu par petit peu. Toi, tu pourrais passer de 5 cafés à 4 cafés. Peut-être. Ça pourrait être long. Ou pas. Ensuite, la fin de semaine, j'en prends pas. Du tout? Non. Ah non, moi j'en prends plus la fin de semaine. Ah oui? Ah oui, ben souvent on va en prendre un gros le matin à la maison, du café fancy, mon tank, ce que j'ai parlé l'autre fois dans Dimanche mon camp. Tout à fait. Après ça, on va aller peut-être chez Tim, une fois, mettons, après avoir magasiné un peu, tu sais, ou bien, tu sais, on est allé chez Starbucks en fin de semaine. Oui. Beaucoup de pubs pour rien. Ben écoute, c'est bon. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, comme Canal Vie. Ah non, mais c'est ça, je fais un arrêt complet. Je me dis, bah, pas besoin de café, je suis la fin de semaine. Pas besoin de réfléchir, exactement. Ben, tu fais bien. Ben, est-ce que t'as des maux de tête à cause de ça? Bon. Pas assez de café encore, je peux passer à 10. Ensuite, une autre chose qui peut provoquer un mal de tête, c'est les allergies. Évidemment, ça, j'en suis le premier concerné. Et si vous l'êtes aussi concerné, vous savez ce que je veux dire. Cette phrase-là voulait absolument rien dire, vous comprenez. Donc, les allergies, oui, vos sinus. Dans le fond, les allergies causent fait que les sinus vont devenir congestionnés et il va y avoir une inflammation des sinus. Et tu pourrais finir avec un mal de tête de sinus qui est souvent dans le front, le nez, genre le haut du nez et les joues. Donc, si tu crois que tu as des maux de tête de sinus, tu devrais parler à ton docteur pour avoir un traitement ou essayer plusieurs pilules d'allergie comme je le fais à travers les années. J'en ai essayé sûrement une demi-douzaine. Et là, six. Ça va... Oui, de 6 pour être... Oui, pourquoi est-ce qu'on dit demi-douzaine dans la vie? Parce que c'est cool. C'est cool. Mais tu sais qu'en anglais, c'est un baker's dozen, là. C'est une treizaine, ça. Une treizaine? Pour vrai. Intéressant. Mm-hmm. C'est un fait! Oui, c'est cool. Ensuite, passons à la déshydratation. Ça, c'est probablement le plus commun, là. C'est quand tu réalises que tu as soif. Empêcher, donc, dans le fond, de se rendre jusque-là en buvant aussitôt que tu as soif. Boire tout plein d'eau. On a déjà parlé de ça dans une chronique récemment, d'ailleurs, sur l'eau. Et quand la boire, avant de se coucher, en se levant, mm-hmm. avec les repas, donc tout à boire de l'eau. Évidemment, surtout quand il fait chaud, quand vous faites de l'exercice ou que vous êtes malade. Ensuite, une autre cause des maux de tête, c'est le voyage. Donc, si t'as un mal de tête après un long vol d'avion, mais c'est pas juste à cause du décalage horaire, du jet lag, il y a aussi le stress de la préparation du voyage, l'air sec à bord, les niveaux d'oxygène qui sont plus bas qu'à l'habitude, le bruit dans l'avion et les sièges qui sont trop poignés. Donc, c'est normal d'avoir mal à la tête dans ce temps-là et ça dit de bien se reposer avant de voyager et de boire de l'eau pendant tout le vol. Mm-hmm. C'est clair. Celui-là, c'est pas mon préféré et ça me rappelle la chronique d'hier dans Arrête avec tes questions où on parlait, on fait plein de références avec les chroniques antérieures, mais les personnes âgées qui sentent mauvais. Oui. Bon, ben des fois les odeurs qui sont un petit peu plus intenses peuvent proposer un mal de tête, proposer aux bénéficiaires un mal de tête. Donc oui, les odeurs, c'est pour ceux qui sont sensibles. Moi, évidemment, tu me fais passer une personne qui porte beaucoup trop de parfums à noix de coco, puis je tombe à terre, tu sais. Mm-hmm. C'est comme ça. Donc les parfums forts, les peintures, certaines fleurs, les solvants, la fumée de cigarettes et les produits de nettoyage sont à proscrire. Proscrire, c'est bien ça. Pour ceux qui ont des maux de tête à cause des odeurs. Évidemment, vous pouvez essayer d'éviter certaines odeurs. Certaines odeurs? Je sais jamais si c'est féminin ou masculin. Une odeur. Entre autres, le détergent à lessive sans odeur, sans parfum. Le savon pour peau sensible, c'est ce que je prends. Et le désodorisant aussi pour peau sensible. Parce que vous savez, et là, je ferai éventuellement une chronique « Tu manges mon cœur » sur les désodorisants. Tu verras. Je te ferai un mois spécial sur la toilette. Ah oui! Ça va être bien intéressant. Mais évidemment, c'est ça, les anti-sudorifiques qui bloquent tes pores et empêchent les toxines de sortir. Certaines vont sortir par d'autres orifices, mais la plupart vont être pognées là. Et quand tu vas arrêter de prendre ton anti-sudorifique, tes toxines vont se libérer et tu vas avoir l'impression de puer vraiment beaucoup. Et donc, tu vas retourner à ton anti-sudorifique. C'est une roue qui tourne. Je vous conseillerais, si vous avez une odeur, disons... Tu sais, il y en a qui vont dire, moi j'ai une odeur masculin de gars, puis les femmes sont attirées par mon odeur, fait que je porte pas de désodorisant. Ouais, mais t'empêches la place, man. Mm-hmm. T'empêches la place. Donc, je conseillerais un désodorisant. Et faites attention parce que souvent, il va y avoir du propylène glycol. Du plomb. Non, du propylène glycol, le truc. C'est l'affaire qui fait que ça va entrer dans tes pores plus rapidement. Mm-hmm. Mais c'est aussi pas super bon pour la santé. La santé. Genre toxique même. Mm-hmm. Donc, faites attention à ça. Et cherchez-vous un désodorisant qui est pur, naturel. Il y en a plusieurs. Cherchez-les. Mm-hmm. Irish Spring. Non, savon. C'est le pire. C'est le pire, celle-là. Ensuite, toujours dans les causes de maux de tête. Hein? Toujours dans, c'est un fait body addition. L'exercice. Ça peut amener des maux de tête chez certaines personnes. Une étude en Suède nous apprend que les gens qui sont inactifs ont plus de chances d'avoir des maux de tête que ceux qui font de l'exercice régulièrement. Donc, il faudrait se lever debout. Pour ne pas avoir de maux de tête, c'est peut-être la cause des miens. Hein. Moi, là-dedans, je pense que les 8 à date qu'on a fait pourraient être une cause, sauf les accessoires de cheveux. La mauvaise posture est suivante. Évidemment, penche ta tête par en avant pour un portable. Mettons, avoir ton téléphone entre tes épaules, ton épaule et ton oreille, te penchant à ton bureau, n'importe quoi. Tout ça, ça va faire mal aux muscles de ton cou et de tes épaules, ce qui va faire que tes nerfs vont être pincés. Et ce nerf pincé, la douleur va se rendre à ta tête parce que les nerfs sont interreliés là, et ça va te donner un mal de tête. Donc, tu peux réparer ta posture en te mettant très, très droit avec les épaules relaxées, garder ta tête vers l'arrière, ton cou bien droit et ton menton à niveau avec le plancher. Foink! Pas pire quand même, c'est beaucoup de conseils à retenir. Oui, ça va être difficile d'animer parce que les micros ont tendance à revenir par en bas oui. et nous faire pencher un peu. Mais bon, c'est de la faute du studio. Maudit. Ça et les chaises beaucoup, beaucoup trop basses. J'ai l'impression d'être assis sur la toilette. Surutilisation de médicaments maintenant. La prochaine cause de mal de tête, donc les médicaments qu'on achète par-dessus le comptoir, comme on dit. Donc l'acétaminophène, l'ibuprofène, l'aspirine, le naproxène, ça peut être très bon pour relaxer les maux de tête. Par contre, si tu les prends plus de 2 ou 3 fois par semaine, donc régulièrement, ça peut causer ce qu'on appelle un rebound headache. Donc un mal de tête de rebondissement, si on veut. Et ça, c'est quand la médication arrête de faire effet. Donc si tu prends vraiment beaucoup de pilules, mettons à chaque 2 jours, ou à chaque jour t'en prends 2 ou peu importe, quand tu vas arrêter pendant même une journée ou 2, tu vas avoir le mal de tête de rebond. Donc c'est vraiment pas le fun, donc ne vous habituez pas à ça. Ça dit que pour prévenir les maux de tête de rebondissement, d'essayer de prendre seulement occasionnellement vos pilules. Et quand vous les prenez, prenez-les exactement comme on dit sur l'étiquette. Donc, quand ça dit d'en prendre deux, parfois, et à chaque 4 heures, prenez-en pas 3 à chaque 2 heures. Oui. Genre, ça pourrait causer une addiction, donc une... comment t'appelles ça? Dépendance. Une dépendance, oui. Fou! Et des effets secondaires sérieux. Consultez votre médecin si vous avez des maux de tête fréquents. Alors, ensuite de ça, on passe à la météo. Et donc, on s'en va à la météo, Colette! Oui! Aujourd'hui, c'est brumeux. C'est brumeux. Oui. Ah, j'ai... Ouais. C'est brumeux. Il est un petit peu loin, mon effet sonore. Merde. Tu peux le remarquer. Ouais. Colin! Donc, la météo. Eh oui, merci. Ouf. Ça me donne un mal de tête quand j'ai pas mon effet sonore à côté de moi. Donc, la météo peut causer des maux de tête. Donc, un changement de météo. Pour ceux qui sont sensibles, évidemment, donc les augmentations significatives de la température, la baisse de la pression barométrique avant la pluie, ça peut être aussi à blâmer pour un mal de tête. Si vous croyez que vos maux de tête ont rapport avec la météo, donc essayez de garder un journal intime des conditions météorologiques ou enregistrer le bulletin de 18 heures. Et vous allez savoir si c'est ça. Voilà. Ensuite, la cigarette. Oui, la cigarette peut causer des maux de tête chez les fumeurs ou ceux qui sont autour de fumeurs, donc la fumée secondaire. Une des meilleures choses à faire pour votre santé est évidemment d'arrêter de fumer. Je pense que ça, c'est assez évident. Oui, c'est un classique. Classique. Et pour terminer, notre petit Colin, est-ce que... Non, ça me disait que c'était 12 sur 13, mais je pense que si je fais suivant, j'amène sur un autre palmarès. C'est tout. Voilà, c'était le dernier. Mort. Moi qui pensais que j'en avais un dernier chanceux. Un 13. Un pour la route. Ah, mais non. On ne fait pas le palmarès des remèdes naturels pour les femmes enceintes. Là. C'est pas notre émission. Donc voilà pour cet effet Body Edition. C'est une édition spéciale qu'on ne fera pas tout le temps non plus. Non, mais de temps en temps. C'est le fun. Oui. Moi, j'en ai appris des choses. Je trouve ça intéressant. On revient dans quelques minutes avec la chronique plénière du Club plénière Écuter en compagnie de toi, Jean-Philippe, qui va jouer le rôle Jean-Antoine Rioux. Oui. Et peut-être de toi aussi un peu. On verra. Peut-être un peu. On se renverra un mot la à la fois. On va faire des devinettes, je pense. Oui. Je vais tout le temps deviner le prochain mot. OK. Ça va être le fun. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Juste après la pause, à l'assemblagerie. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est le mardi 1er octobre 2013, 8h04. Mathieu Plante et mon nom, Jean-Philippe, va être de retour dans quelques secondes pour faire la chronique du club plein air UQTR. Mais avant ça, on écoute une pièce de Summerland. Voici Coup de vent. Ça fait avec la journée d'aujourd'hui brumeuse à mort. J'aime ça. Oh oui, oh oui. Une chance qu'il n'y a plus de colonne de son dehors, on n'entend pas mes voix. Là. Trop tard, t'inquiète, trop tard. Ah, oh, pas comme ça. Bye. Summerland, les coups de vent. Ah, sur l'âge requis, c'est une chanson qu'on écoute moins souvent à l'émission, mais on l'entend pas mal assez fou chaque semaine. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. Notez-le, c'est important pour vous, là. Pour votre... si tu prends pas le temps de l'écouter, ça part comme un coup de vent. Wow! Avec le bruit. Oh, wow. Je vais prendre une gorgée de café. Ok, prends une gorgée de café, je te regarde. Est-ce qu'il est velouté ou corsé? Velouté. Velouté. Hier, j'ai essayé un corsé, j'ai bien aimé. Oui? Oui. Je sais pas pourquoi je prends jamais corsé. J'aime le goût du café, mais j'adore le velouté. Je sais pas. Il est vraiment excellent. Leur café velouté est génial. À la Chasse Galerie, 3351 Boulevard des Forges. maintenant, on passe à Charles-Antoine Rioux, mais sans Charles-Antoine Rioux, voici la chronique truc et astuce du Club plein air UQTR. On n'entendra pas l'intro si je baisse pas là. Bonjour, pas Charles-Antoine Rioux. Salut les gars, ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va bien. Du haut de tes 3 mètres. Oui. Voilà. J'essaie de prendre de... Attends un peu. Faut que je gesticule beaucoup. Oui. Ok, je vais essayer. Faut que tu aies une très bonne hygiène. Oui. On sait que ce gars-là a une très bonne hygiène. Oui. Elle est bien habillée. Oui. Belle apparence. Oui. Donc, Charles-Antoine Rioux qui n'est pas là ce matin, même si on le complimente sans cesse, ça sert absolument à rien parce qu'il est pas là, il est parti en activité avec son club. Avec le club UQTA hier. Oui. Genre, si on veut. Celui qu'on ne sait jamais comment prononcer. Et pour compenser, c'est toi qui vas nous lire un petit article qu'il nous a envoyé, il nous a écrit ça à la main. Oh oui, dactylographié. Il a quand même pris le temps de nous faire une belle petite chronique sur l'équipement de plein air. Ah. Donc écoute, si tu as des questions, pose-les. Je vais les prendre en note, puis je te reviendrai avec ça la prochaine fois. La semaine prochaine. Oui, c'est exactement. Donc, parlons d'équipement de plein air, Mathieu. Mais vas-y, tu me poseras des questions, puis j'essaierai de répondre. Si j'en ai, je vais te les poser. Ouais. Je vais essayer de t'interrompre le plus possible avec des mauvaises blagues, comme je suis avec Charles-Antoine. Parfait. Donc, je vais essayer de pas me faire déconcentrer. Okay. Fait que d'abord, il est important de mentionner que l'équipement ne fait pas le plein airisme. Plénériste, c'est la personne qui fait du plein air, ça? Oui, exactement. On dirait que tu lis bien les parenthèses. C'est exactement ça, dans les parenthèses. Donc, l'équipement que vous possédez vous aide... Il vous permet d'accomplir vos tâches plus facilement, mais il ne fait pas de vous l'adepte de grande nature que vous êtes. Non, c'est pas l'équipement qui fait le plein airiste, c'est le plein airiste qui fait le plein airiste. Qui fait l'équipement. Qui se fait de l'équipement. Qui se passe l'équipement partout. Ça, c'est un peu déplacé. Oui, ça peut porter à confusion, surtout quand c'est des raquettes. C'est bien slack. Oui, exactement. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que la seule pièce d'équipement qui vous soit indispensable, c'est votre tête. Donc, sachez rester calme et réfléchir et vous trouverez tout ce que vous avez besoin pour accomplir la tâche voulue. Ceci étant dit, il est toujours bon d'être prévoyant. Il serait un peu stupide de partir volontairement en sortie en plein air sans être équipé. Bien évidemment. Donc, voici les pièces d'équipement que je recommande en fonction de 3 situations bien précises. Il est à noter ici qu'il s'agit de mes préférences personnelles et en aucun cas, je n'ai la prétention de détenir la vérité absolue. Et toi, est évidemment Charles-Antoine Rioux. Oui, tout à fait. Donc, premièrement, commençons tout de suite avec 2 items. On peut peut-être y aller. Est-ce que je ne sais pas si tu l'as lu. Oui, ben, je suis là. OK, mais lis-le pas. Non. 2 items, Mathieu, que tu devrais toujours avoir à ta possession, selon toi, quand tu pars en expédition. Je dirais un Game Boy. Oui. Couleur? Couleur. I Donkey Kong Country. OK, parfait. Première bonne réponse. Et comme 2e item. Oh, Colin, là tu m'en poses une bonne. T'es beef jerky. T'es beef jerky, bien sûr. De la barbe à papa. Oui. Non, écoute, je ne partirai pas avec toi. donc, Charles-Antoine Rioux nous recommande un couteau de poche. La lame peut toujours être très utile. En plus, elle rentre dans la poche. Dans la poche, c'est ça. Le nom le dit. C'est pas comme si t'amenais une poche de couteau. Ben, c'est pas comme si t'amenais une chaîne ça. T'sais. Une chaîne ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ou une poche de couteau, comme tu dis. Il dit également un briquet ou un paquet d'allumettes résistant, j'imagine, à l'eau. Ouais, et au vent. Et au vent, oui. Donc, le feu est votre meilleur ami en cas d'urgence, mais partir un feu à l'ancienne, c'est vraiment pas évident. Donc, des allumettes et un couteau de poche, avec ça, tu devrais pouvoir t'en sortir, coûte que coûte. Sinon, des lunettes 3D. Avec le soleil, non. Pour faire partir une petite flamme avec oui, les lunettes. Oui, oui, tu peux toujours faire ça, mais s'il pleut, on est mal pris. Donc, maintenant, 3 items que je choisirais si j'avais à survivre en forêt pour une longue durée. Donc, tu t'en vas puis tu sais que tu vas te perdre. Donc, c'est le cinéma maison. Oui, exactement, avec le banc, les boys et tout. Donc, premièrement, il apporterait une petite hache. Donc, en plus de fendre le bois vous avez besoin pour survivre, elle peut servir de marteau, de couteau, lorsque tenu par la tête, d'armes pour vous défendre, de support moral. On se sent en confiance avec elle. Tu l'appelles Wilson. Oui. Donc, ça peut aussi te permettre d'avoir la main mise si t'es avec un groupe de personnes. Ouais. Ben justement, avec un groupe de personnes, faut pas qu'il y ait de confusion entre une petite hache puis un petit sac de hache. Oui. Fais attention aussi. Oui, parce que là, tu pourrais avoir encore plus de personnes. C'est ça. Puis ça pourrait être différent. Également, un chaudron. Donc, ça va te permettre de trouver de l'eau propre à la consommation. Et c'est ça, parce qu'il n'y a pas vraiment d'abreuvoir hein, dans la forêt. Pas de buvette, non. Il n'y a pas de buvette. Donc, pas de place pour remplir sa gourde. Donc, il n'y a rien de mieux qu'un bon chaudron pour faire bouillir l'eau et faire mijoter votre lièvre. Qui nous le dit. Ou amène ton meilleur ami, tu sais, celui que t'appelles tout le temps. Et maudit chaudron. Et maudit que t'es chaudron. Et finalement, finalement, il reparle du briquet et du paquet d'allumettes. Puisqu'il nous met au défi de partir un feu avec un clou et un morceau de roche pour faire des étincelles. Il l'a... écoute, c'est impressionnant. Pour l'avoir déjà réussi, c'est pas de tout repos. Il a réussi. Donc, il aurait réussi. Bravo. Impressionnant. Oui. La prochaine fois, je pense que je vais lui demander en studio de nous faire ça. Oui, live, hein? Les assurances couvrent pas ça, par contre. On n'a pas AppleCare sur le studio, là. Non. pardon. Et pour finir, le pack-sac complet du plénérisme, sans être à l'extrême du Gearhead, personne qui ne se fie qu'à son équipement, voici le minimum que devrait contenir votre bagage lorsque vous sortez en plein air. Donc, encore une fois, le couteau de poche, le briquet qu'on a parlé précédemment ou le paquet d'allumettes, une gourde d'eau, facile, un système de purification d'eau, chimique ou à pompe, les petites pilules qu'on peut mettre dedans, tout simplement, ça, hein? Une trousse de premiers soins adéquate, un imperméable décent. Donc, aucun gros mot dessus, des filles tout nues, ça c'est... Il n'y a pas ça sur l'imperméable. Mais Charles-Antoine nous a déjà parlé des bons imperméables dans une chronique l'année passée. Elle est en balado-diffusion. Exact. Sur Assemblage requis. Des collations, barres granola, etc. Un chapeau, des lunettes de soleil, du duct tape. Du duct tape, pour vrai. Oui, et puis là, on nous met en gras. On ne le répétera jamais assez souvent. Le duct tape, c'est comme la force dans Star Wars. Il a le côté clair, un côté obscur, et ça tient l'univers ensemble. Ah, c'est beau! Wow! Donc, du duct tape primordial. Luke, je suis ta roulette de tape. Charles-Antoine. De la corde en masse. Ça peut toujours être pratique, si jamais t'es vraiment désespéré. Une bâche, trampolin, comme on dit, c'est une toile en nylon imperméable que l'on peut monter à l'aide d'une corde pour se protéger de la pluie. Je pense que c'est tarpolin, mais t'es proche. Trampolin, je trouvais ça drôle. Ah oui, exactement, tarpolin. Boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing. Mais tu sais, quand tu sais pas quoi faire, là, c'est tu fais un petit peu de trampoline. Pourquoi pas? Donc, voilà, ça fait le tour pour la chronique UQTR à hier. Les prochaines activités prévues qu'on nous dit dans le calendrier, c'est le 21 et 23 octobre. Il y aura des randonnées pédestres de 3 jours dans les Montagnes Blanches, donc très intéressant. Vous pourrez contacter le groupe UQTR par la page Facebook. Puis ils ont une page également, site web. De mémoire, c'est www.uqtr, le site de l'université.ca/UQTAIR pour le nom du groupe. Sinon, UQTAIR dans Google, je suis sûr que tu es capable de trouver ça. Assez simple. Donc, il nous dit au plaisir de vous voir dehors. Charles-Antoine Rioux, secrétaire trésorier du club plein air UQTR, il dit « Eh oui, j'ai changé de poste. » Ah! Un gros merci, messieurs, et à la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Oui, excusez-moi, dans deux semaines, oui. Exactement. Dans 2 semaines, on va retrouver Charles-Antoine Rioux. Tu as fait du très bon travail pour le remplacer, bravo. Pas super. Très bon, et on va se rappeler qu'il a changé de poste. J'ai pas son soave naturel. Soave. Mais comme c'est pas mon domaine, je me permets... C'est ça, chacun son domaine. Je me permets à la trampoline. Oui. Boing, boing, boing, boing, boing. Donc voilà pour la chronique du club plein air, UQTR, à Assemblage requis. Ce qu'on va faire maintenant, c'est retourner en musique. On va entendre une petite chanson des Frères Goyette. C'est un nouvel extrait du palmarès francophone qu'on s'en va entendre à l'instant. C'est Gros Bac. Puis... C'est ça. Je vais boire mon café dans un gros bac. Oh, puis tu vas cracher dans un gros bac aussi. C'est pas ça qu'il faisait dans le temps? C'est dans un bucket. Ouais, en métal. Ouais. La chic. C'est très chic. Ouais. Assemblage requis au 89.1 FM, c'est fou. bien loin d'un Hollywood, on m'a entendu chanter mal. Me tiens au minimum, toujours été low profile. Au moins essaye, mets de côté mes gammes. J'y vais d'instinct sans jamais oser vouloir plaire aux dames. Jamais seul dans basse cour, chante le jour puis dans la nuit. Coiffe mon coq, bombe le torse, prends du coffre. Puis chasse ma peur, lève mon col de blazer. Mets de la paillette, une belle grosse wave dans le toupette. Un bungalow dans Graceland, fan d'Elvis. Memphis qui débarque, Memphis des coulisses. Un bon ego, 10, 15, 20, 30 livres de trop. Rentre fit dans le soute en way, bouge comme le king en way. Bouge, bouge, m'inspire ailleurs. Allez deux, cash. J'en connais une coupe cash, mon ans, ça me le doute. Mais le man dans le temps, sans jamais me tenir au courant. Marche mes classiques, fais la barbe aux jeunes dans le cirque. Concert chanceux à Londres, une bière en fût, ben loin de monde. Check one two, monte mon minute, mode prendre moins de kick. J'suis pas le king en place, ma carrière a l'air d'une vraie farce. Ça manque d'écoute, ça jase en masse, ça se de tout. Peur à mon meilleur, brûle les planches, une et une, tour à tour. Les geeks sont brunes, mais l'espoir d'en avoir une bonne me reste dans la tête, je garde espoir, me garde du fun. Les frères Goyette et Gros Buck à l'assemblage requis. Oui. Ça me rappelle la marque de souliers, le Reebok. Oui. You know. Puis, c'est... Ouais. Donc, maintenant, tiens, toujours à l'assemblage requis, et je pense que c'est le moment de partager, d'ouvrir nos cœurs un peu comme un chirurgien aimerait ça, quand il est chez eux, ouvrir le cœur du n'importe facteur, qui, oui. Du facteur juste pour se pratiquer. Oui. Okay. Donc, voici, tu manges mon cœur. Ouh. Donc, tu manges mon cœur, c'est la chronique des coups de cœur, l'assemblage requis, parce que vous le savez, hein, c'est comme ça dit dans la chanson, hein, plus tu manges, plus tu payes, hein, et mon cœur mange beaucoup de choses parce qu'il y a plein de passants, puis ça coûte cher. Hein? Oui! C'est tellement compréhensible comme parole, puis comme choix de titre. Hein? Oui. Donc, dans Tu manges mon cœur, aujourd'hui, ben, évidemment, on va partager nos coups de cœur. Qui commence? Est-ce qu'on fait un pile ou face? Est-ce que... Ouais, ben, écoute, je peux y aller, parce que je suis pas... écoute, pour mettre tout le monde en contexte, dimanche passé... donc, le dimanche qui vient d'arriver. Sunday. J'ai trouvé un mange mon cœur parce que c'est tout le temps ça qui arrive. J'y pense, mais je les oublie. T'es notes pas sur ton iPhone dans l'application de notes? Non, j'y pense pas de le faire. Puis pourtant, ça serait vraiment, vraiment une bonne idée parce que c'est le genre de chronique qui est assez spontanée. Oui, c'est dans la vie, genre. C'est comme oui. Quelqu'un se pointe pas, on fait tu manges mon cœur. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, mais tu sais, je veux dire, pour en parler, c'est souvent quelque chose bon, qu'on a vécu la semaine d'avant. Oui. Tu fais comme ah oh, oui, j'aimerais ça en parler. C'est de faire semblant, c'est dans la semaine d'avant. Oui, c'est ça. Ouais. Tout simplement. Hey, pendant mon voyage de ski. Oui! Tu sais, hier. Ouais. Non, mais c'est ça. Puis, bref, tout ça pour dire que je m'en souviens pas. Puis c'était vraiment un bon. puis là, je suis vraiment triste, puis là, on retourne en pause. J'ai essayé de trouver quelque chose sur le fly, et puis la seule chose que je me souvenais, c'était dimanche, puis la seule chose qui me semble que j'ai faite dimanche, c'est me faire un bon souper. Ah, je pense que t'allais dire c'est le jour du Seigneur, donc je suis retourné à la Allumer un cierge. C'est ça? Allumer un cierge. Non, j'ai mon oncle s'appelait Cierge. J'ai pas le droit, je travaille à l'université. Ah, ok. Une joke sur la charte. Oh, ok. Ah, je t'avais pas compris. Non, non. Écoute, rapidement, je sais pas pourquoi je parle de ça. Peut-être parce que j'ai un petit creux, j'ai pas déjeuné. Je me suis fait un tartare de bœuf dimanche. Ok. Puis, tu sais, mange mon cœur, viande rouge. Oui. Ah, c'est intelligent puis, quand même. Ouais, c'est pas trop pire. Puis, écoute, il était vraiment bon. D'habitude, je me laisse pas des fleurs comme ça. Il était vraiment bon. Puis, vraiment, chapeau à celui qui a pensé à faire un tartare. Donner mes invitations au chef. Oui. Exactement. Écoute, je vais pas plus loin que ça. Non, c'est vraiment pas loin. C'est comme le strict minimum que tu pouvais faire. Ouais. Ouais. Puis, écoute, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? J'ai fait des toasts avec ça. Des toasts? Ben, des bouts de baguette. OK. Pour manger ça. J'espère que c'est pas des toasts avec du steak, genre. Non. Des toasts au beurre. Des toasts au beurre. Mais c'était des smarts. OK. Cool. Puis un verre d'eau. Ouais, un verre d'eau. Avec un petit peu de citron dedans, parce qu'on est fancy. Ben, c'est pas mal. Hey, on a essayé l'autre fois de mettre des tranches de citron dans le distributeur d'eau Brita. Mauvaise idée. Ça n'a pas marché. C'est pas bon pour toi. Avez-vous changé de filtre? Oui, bien, c'est ça. On a changé le kit au complet. On a lavé l'intérieur. Non, c'est pas une bonne idée. C'est directement dans ton verre, au pire. Ouais, je pense que c'est mieux. Ou dans un pichet. Oui. Tu prends ton eau de filtre Brita. Disons, l'idée, c'était comme un gros pichet, un filtre Brita. Ben oui, je peux comprendre. Moi, ouais, non. Échec. Mais écoute, dans une autre chronique, mettons, mange mon cœur. Si jamais, mettons, tu trouvais que celle que je viens de faire est vraiment pas bonne. Je sais pas si elle va faire les meilleurs moments, ça. Ah, ben on va, non, je penserais pas. Mais écoute, l'autre dimanche d'avant, j'en ai-tu déjà parlé? J'ai fait un cours de vin. Tu nous as parlé un petit peu de ça. Tu cherchais encore la place qui va la livrer. Oh, Dieu, je suis là. Tu n'as pas trouvé la place? Mais non, mais je voulais parler plus du cours. Ben, par exemple, tu l'as juste frôlé. Oui, OK, parfait. Puis de toute façon, les gens s'en souviennent plus. Ben non. Puis, dans le fond, ça se passait dans un restaurant du centre-ville à apporter votre vin. Et puis, dans le fond, c'est une compagnie qui se déplace un peu partout au Québec. Et puis, c'est un monsieur qui, dans le fond, te fait des cours de vin, savoir comment, dans le fond, c'est pas un cours sur le vin, c'est plus un cours comment profiter du vin. Oh, donc, une danse à vin. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, comment, mettons, prendre le temps de le sentir, comment prendre le temps de bien le goûter, tu sais, qu'est-ce qui fait que c'est un bon vin, les différentes caractéristiques, finalement, que peut avoir un vin, puis qu'est-ce qui fait, comment tu devrais choisir ton vin, finalement. Fait que c'était pas un cours sur très théorique, c'était plus un cours sur comment vraiment profiter du moment quand t'as une coupe de vin, t'es avec des amis, au lieu de faire comme « Yeah! » Ouais. Puis aller un petit peu plus loin que les pastilles de goût. Là. Oui, c'est ça, tout à fait, qui, selon lui, n'est pas une bonne chose. Okay. Puisque ça t'empêche de... d'essayer des choses. Hein. D'élargir tes horizons vinicoles. Oh, hein? Ouais. Ça, c'est génial. Ouais. Vite à vie, Nicole. Vite à vie, Nicole. C'est mon nouveau rap. Vite à vie, Nicole. OK. Yo. Puis, donc, c'est ça, je le conseille. Écoute, je pense qu'ils ont un site internet, c'est Vin and Wine. Vin and Wine? Oui, Vin and Wine. Okay. Tout simplement. Et puis, ils ont des brochures, des publications, etc. Donc, c'était fort intéressant. Good! Mm-hmm. Ça venait avec un bon souper, c'était délicieux. Pas c'était taste. Comment? Non, c'est taste. Taste. C'est taste, comme chill pis nice. Ouais. C'est taste. C'est taste. Au goût. Oui. Donc, voilà, c'était ma chronique coup de cœur, mange mon cœur, broche à foin. Merci, Jean-Philippe. J'enfile du foin. Oui. Non, t'enfiles pas du foin. Non. C'est un peu bizarre, mais. Et toi, Mathieu? Et moi, ben, je te propose en fait une application pour iPhone, évidemment, parce que c'est ce que j'aime. Je suis très, très à Apple, comme peut-être vous l'êtes aussi, espérons-le, hein, du bon côté des choses. Donc, c'est une application pour podcast, balado-diffusion, qui s'appelle Pocket Cast, qui est vraiment, vraiment très, très bien fait. En tout cas, moi, je trouve, là, vous me direz ce que vous en pensez. C'est bizarre parce que l'application s'appelle Pocket Cast, mais étant donné que la police est rendue tellement grosse sur l'iPhone, ils écrivent juste « Cast ». Oh. Tu vois pas le « Pocket ». Donc, cherchez-le, c'est un C, genre courbé, rouge et blanc. Donc, parlons un petit peu de comment ça fonctionne. C'est évidemment pour les podcasts. Donc, vous allez vous abonner à des émissions qui sont faites pour le web. Il y en a de plusieurs façons. Il y en a de plusieurs sources. Comme moi, j'écoute des émissions de Revision 3 et de Twit. Mais si on va voir dans le petit catalogue, il y en a plein d'un réseau qui s'appelle 5x5. Il y en a en français. Il y a This American Life, l'émission de la radio publique américaine. T'as des blogs Internet qui ont des podcasts aussi comme The Verge. T'as des journaux. comme Evening Edition qui font leur propre balado-diffusion, podcast. Tu peux y aller par sélection, tu peux y aller par palmarès. OK. Donc, que ce soit audio, vidéo ou tous pour avoir les plus... Regardez en même temps. Tu m'as pas dit tousser? Ah, et tous, c'est drôle. Tu peux chercher, tu peux aussi avoir les réseaux en tant que tels, donc vraiment par étiquette de réseau, par exemple CNET, la BBC, des trucs comme ça. Très cool. Par catégorie. Bon, une fois que tu t'es abonné, parce que c'est la portion s'abonner à des podcasts, là, c'est des émissions comme à la radio, mais sur Internet en suite, mais que tu peux aussi télécharger sur ton iPhone pour ne pas avoir à être branché sur Internet, c'est ce qui est fun aussi. Ça fait la même chose de ce côté-là. Si, mettons, j'ai téléchargé une émission, les épisodes vont apparaître et je vais pouvoir télécharger chacun des épisodes avec une flèche, un peu comme je fais avec une mise à jour d'application sur iOS. Tu peux programmer pour télécharger automatiquement les nouveaux épisodes de la qualité que tu veux. Tu peux aussi, si tu veux, mettons que les balados, ils ont tout le temps une intro de 10-15 secondes, là, parler avec un commanditaire. Tu peux lui dire « démarre mes balados tout le temps à partir de 20 secondes ». Non. Du début, c'est vraiment pratique. Cool, ça. Donc c'est ça. Sinon, si tu vas dans les paramètres de l'application, mettons pour voir qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans, on peut programmer les boutons skip, rewind et skip forward. Donc tu pourrais dire, mettons que avancer, ça va être par 45 secondes, par tranche de 45 secondes, et reculer, ça va être par tranche de 10 secondes. Quand même complet. Vraiment, c'est très fun. C'est dur. En tout cas, moi je trouve que c'est des options qu'on voit pas assez. Tu peux te synchroniser via le nuage iCloud pour pouvoir avoir, mettons, sur ton iPad les mêmes épisodes que sur ton iPhone, et il va savoir où t'es rendu dans chaque épisode, ce qui est très le fun. Tu peux exporter tes abonnements. Tu peux avoir des notifications quand il y a un nouvel épisode, des sons qui vont jouer quand il y a un nouvel épisode aussi. Tu peux lui dire de garder tous les épisodes ou seulement les plus récents, les 2-3 premiers. Il peut te dire aussi si tu es sur Wi-Fi pour pas que tu télécharges les épisodes pendant que tu es sur Wi-Fi, ce qui pourrait te coûter cher. Oui, ce qui m'est déjà arrivé. Tu as aussi sur l'écran d'accueil, tu as des filtres d'épisodes. Donc, tu peux demander, je veux voir seulement les épisodes que j'ai pas encore regardés, les épisodes que j'ai commencé à regarder, ceux que je suis en train de télécharger, les balados vidéo, les balados audio. Et tu peux faire ça, c'est des options que je vois pas non plus dans d'autres applications, c'est que tu peux ajouter ton propre filtre. Par exemple, mettons, avec l'icône que tu veux, tu pourrais dire, je veux seulement les épisodes qui ont été à moitié joués, qui sont dans la catégorie audio. Et qui sont, à propos d'une telle catégorie de sujet, mettons ça. Donc, tu peux vraiment y aller de la façon que tu veux. Et moi, je trouve que ça se joue très, très bien. Et c'est très joli aussi, parce que avec la nouvelle mise à jour d'iOS 7, l'image de couverture est aussi en arrière, en flou. Ah oui, ça, j'aime bien ce concept. C'est bien le flou dans iOS 7. Moi, c'est une des choses que j'ai adoré de iOS 7, c'est justement que les applications se mettent toutes à jour, parce qu'il y a tellement un gros pourcentage de gens qui sont passés à iOS 7 dès le premier jour et dès la première semaine, que les compagnies derrière les applications se sont dépêchés à le faire. Ben oui. Plus même que l'application, par défaut, podcast d'Apple. Parce qu'il y a une application pour les balados de diffusion directement d'Apple et elle n'est pas à jour. Donc, quand tu vas dedans, c'est l'ancien look avec les anciens boutons et l'ancien clavier. Ah, et oui. C'est l'application d'Apple parce qu'Apple a décidé de mettre à jour toutes les applications qui sont internes au iPhone, mais pas celles qui sont téléchargeables à part, comme ça, Find My Friends. Ça va sûrement venir, mais ils n'ont pas priorisé ça, mettons. Je trouve ça bizarre parce que tout le reste est très iOS 7 et quand t'arrives là-dedans avec l'ancien clavier avec les coins tout gris, c'est un petit peu bizarre. Puis c'est ça, je voulais pas trop parler d'iOS 7 parce que tout le monde en a parlé. Essayer de dire des affaires qui sont un petit peu moins connues. Comme information, il n'y a pas grand-chose qui ne sont pas connus. J'aime bien l'idée de pouvoir que quand tu cliques sur un dossier, tu zoomes sur une partie de ton fond, sur l'effet parallaxe. Il y a beaucoup de gens qui disent que le parallaxe, c'est quand tu bouges le téléphone, les choses bougent en même temps sur l'appareil. Il y en a qui disent que ça leur donne mal au cœur. Moi, honnêtement, là, j'ai de la misère à le voir tellement qu'il n'est pas assez intense pour moi. J'aimerais qu'il y ait une glissière, que je puisse en rajouter, parce que pour vrai, le fond, OK, bouge un peu, mais les icônes sont supposées bouger un minimum aussi et je ne le vois pas. Donc, je trouve ça un petit peu pas assez. Sinon, les applications que j'aime beaucoup sur l'iPhone, c'est l'application de météo, la nouvelle, je trouve qu'elle est parfaite. Oui. Le nouvel App Store avec les mises à jour instantanées, j'adore ça aussi. La nouvelle application de musique fonctionne très bien. Le Control Center en bas de l'écran où tu glisses par en haut pour avoir ta chanson. La seule chose que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas l'icône musique. Comme dans le temps, tu avais musique, tu pouvais ouvrir ton lecteur MP3 directement. Oui. Alors que là, si t'es pas en train de jouer une chanson, tu sais pas où cliquer pour ouvrir l'application de musique. Faut que tu ailles l'ouvrir à la main. C'est vrai. Je trouve ça un petit peu dommage. Sinon, en bas, les icônes, lampe de poche, chronomètre, calculatrice et appareil photo, j'aimerais pouvoir les modifier pour avoir d'autres affaires. Comme moi, la calculatrice, je m'en sers pas assez, puis je mettrais peut-être autre chose, là. Je sais pas. Puis j'aimerais aussi pouvoir changer les icônes comme Wi-Fi, avion et veille qui sont en haut. J'aimerais pouvoir les changer. Je sais que sur l'iPad, le rotation lock peut être changé pour un mute, parce que t'as un petit bouton physique sur l'appareil qui détermine si c'est le rotation lock ou le mute qui est activé par un bouton. Donc lui, il fait le contraire de ce que ton iPad ferait. Mais bon, quand même. Sinon, j'aime vraiment pas la nouvelle façon de faire des applications notes et rappels. Je trouve ça vraiment laid, le faux look de papier. Je trouve ça vraiment pas beau. Et j'aime pas la police jaune sur gris non plus. Fait que, il y a des affaires que j'aime pas. Moi, je comprends pas les gens qui disent qu'ils l'aiment pas en général. Je trouve que c'est un bon par en avant, pour vrai, en termes de convivialité. Puis le Touch ID sur l'iPhone 5S va être dans tous les téléphones d'ici 6 mois. Voilà, je pense. Mais bon, donc, vous avez rien appris par ce petit bout sur iOS 7, mais bon, c'est comme ça. On a confirmé certaines choses. Certaines affaires. Donc, on va prendre une petite pause au retour. C'est Anne-Julie Durocher et sa chronique L'Index. Ça s'en vient là. Là, là. Ouais, je la vois. Je la vois. Là. Je la pointerai pas parce que c'est pas poli de pointer. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis en ce mardi 1er Rocktober 2013. Il est 8h33 et lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui, c'est rock pas mal comme moi, ça qui commence là. Oui. Buddy. Le mois d'octobre. Octobre. Pourquoi déjà octobre? Je te le compterai dans une autre chronique. D'accord. Ça va être trop long. Parce que pour l'instant, on a quelqu'un de Marc. Quelqu'un qui va... Oui, c'est ça, de Marc. Oui, on la remarque. Mm-hmm. Parce qu'elle est, comme, elle est lumineuse. Mm-hmm. C'est ça. Donc voici Anne-Julie Durocher et L'Index. Jusqu'à ce qu'on nous pointe du doigt un index qui réveille une toute petite voix. Bonjour Anne-Julie Durocher. Bon matin Mathieu. Ça va? Ben oui, toi. Ben oui, avec la brume dehors, tout ça. Ben oui. Ça, t'as la brume? Oui, mais il y a ça comme vraiment depuis plusieurs matins là, oui. À Trois-Rivières. Là. C'est assez intense. On n'en revient ouais. pas, disons. Ouais. Nous autres, moi, j'habite à côté de la traque de chemin de fer, puis comme le matin, je me réveille, puis je vois pas la traque de chemin de fer, ça me fait vraiment spécial. C'est freak. Hein? Nous, on se fait réveiller par les cornes de brume. Oui. Ouais. Donc, Anne-Julie, tu viens de nous parler évidemment de tes coups de cœur ou de des choses qui t'ont touché pendant la semaine. C'est l'index, c'est comme ça que ça se passe. Bien, je vais vous parler, en fait, là, d'un truc que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, manger. Bon. C'est comme un besoin essentiel. J'adore faire à manger, j'adore recevoir. Puis aussi, hier, c'était mon anniversaire, fait que... Bonne fête! Merci. On m'a fait un Wellington, quelque chose de même. Je sais pas si vous savez c'est quoi, mais ça a l'air vraiment complexe à faire. J'étais vraiment impressionnée. Genre un bœuf Wellington, ouais, ça? Me semble, hein? Quelque chose de même, là. Dans une pâte, là? Ouais. Hey, ça, c'est pas facile à faire. C'est genre un filet mignon avec... Autour, il y avait genre du prosciutto, puis là, tu fais la pâte par-dessus. En tout cas, ça a l'air tellement complexe. Mais je parlerai pas de trucs comme ça ce matin, parce que c'est vraiment hors de mes talents. Hier, j'étais vraiment impressionnée par mes amis qui m'ont préparé ça. Donc, je viens plutôt, en fait, là, vous parler de deux sites de cuisine, mes deux sites préférés ou sur lesquels, en fait, je prends le plus de recettes. Le premier est utilisé, en fait, là, par vraiment beaucoup de monde. Il n'est pas tant original, mais si vous ne l'utilisez pas encore, je vous le conseille fortement, c'est Ricardo. Le beau Ricardo, ben, c'est qu'il est tellement complet, son site, c'est bien normal. C'est en Il y a plein du budget derrière ça, on s'entend. Oui, ben, c'est ça. Oui. C'est ce qui vient aussi, là, le deuxième dont je vais vous parler, c'est la différence. Là, okay. C'est tout le Ricardo, c'est très commercial. C'est ça. Là, il vend des produits, des spatules quand même dans les magasins. Ils sont vraiment chers. Oui, vraiment. Elle est très belle. Oui, c'est ça, tu sais, mais en tout cas. Mais pour niveau site internet gratuit, cuisine, ça ouais. Je vous conseille. Donc, pourquoi Ricardo? En fait, il y a vraiment plusieurs recettes. C'est vraiment varié. Le site est justement extrêmement bien fait. Vous pouvez y aller comme par type de recette. Vous voulez manger de l'agneau, bien là, vous allez avoir une section complète sur l'agneau. Vous n'allez pas retrouver seulement une recette ou deux. Vous avez vraiment comme plusieurs idées recettes. Puis c'est aussi, vous pouvez aussi chercher des recettes par thématique. Exemple, vous avez un party d'Halloween. Ah oui. Puis là, vous voulez des idées de recettes, bien, vous avez ça, fête des pères, fête des mères, Pâques, plein de thématiques comme ça. Aussi, Ricardo, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très facile à faire. En tout cas, j'ai jamais fait peut-être les recettes difficiles. Il n'y a pas de bœuf Wellington, donc non, c'est ça. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Mais des recettes vraiment faciles à faire, tu sais, qui ne sont pas catégorisées, exemple, recettes étudiantes, mais qui s'appliquent vraiment pour des étudiants qui ont peu de temps. Chaque recette, ça nous dit combien de temps ça va prendre à peu près. Là. Puis il y a beaucoup de recettes entre 15 et 30 minutes, comprenant la préparation, la cuisson et tout ça. Donc, ça vaut la peine là, quand tu es étudiant. Puis ils sont peu coûteuses. Il n'y a pas d'ingrédients qui te disent Il va falloir que j'aille dans une fine épicerie à Montréal. Là, par exemple, à la Distasio, je trouve que c'est ça son point faible. C'est que c'est souvent des ingrédients qu'on n'a pas dans toutes les épiceries où c'est des ingrédients qui coûtent excessivement cher. Ricardo, t'as ça déjà dans ton garde-manger. Là, c'est super simple. Ouais. Okay. Pour ça, je l'aime bien. Aussi, bon, je l'ai dit, les recettes sont simples, mais il y en a aussi des plus élaborées. Là, c'est pas, y en a qui prennent plusieurs heures. Des recettes pour la mijoteuse. Quelques options végétariennes, mais c'est pas la force, je trouve. Il y a pas une section végétarien ou quelque chose comme ça, ou sans gluten. Il y en a, mais c'est pas la force du site. C'est relativement commercial, là, toutefois, comparativement à la prochaine option dont je vais vous parler. Oh! C'est un site que j'ai découvert cet été, qui est devenu aussi très, très, très populaire rapidement pendant l'été. C'est 3 fois par jour. OK, je connais pas. Vous ne connaissez pas 3 fois par jour? C'est de Marie-Lou, la chanteuse. Marie-Lou. Okay. Oh! Okay. Wow! Elle, rare qu'on parlait là, c'est fou. Mais c'est ça. Elle s'est fait un site de cuisine avec son copain Alex Champagne, qui est aussi connu, entre autres, contre autre gars et tout ça. Okay. Le petit couple ont décidé de monter un site de cuisine. Au début, c'était quelques recettes, puis là, ça a vraiment pris d'ampleur. Maintenant, ils ont... Véronique Cloutier a lancé comme une nouvelle revue, là, dernièrement. Oui, Véro. Oui, c'est ça. En plein ça. Original. Oui. Vraiment original. Puis, c'est ça, dans le fond, ils ont aussi la chronique cuisine. C'est eux qui la font. Okay. Marie-Lou s'occupe des recettes. Alex Champagne s'occupe des photos. Les photos sont vraiment belles, pour vrai, là, qui accompagnent les repas. Ça donne vraiment le goût de manger. Je suis sur le site en ce moment, là, puis c'est... oui, c'est assez intense. C'est quasiment du calibre... tu sais, à la Distasio, c'est très bien filmé. Oui. Mais c'est de ce calibre-là, mais en photo, là, c'est assez impressionnant. Quand même, hein? Oui. Fait que c'est ça. Fait que ça donne le goût. Tu vois, sur le site, t'as le goût de manger, là. Potage aux oignons caramélisés et croûtons à l'ail. Oh! On n'est pas jeudi. Donc, c'est ça. Le site est vraiment bien faite. Il n'y a pas tant de recettes. Là. Je pourrais pas vous dire quand est-ce que le site a été parti. Moi, je le suis depuis... Ben, parce que je suis la page Facebook, là, en fait, depuis peut-être le mois de mai-juin. Puis, les recettes, là, il y en a juste vraiment fréquemment, au moins une par semaine. Mais tu sais, encore là, c'est pas comme Ricardo, par non, exemple. Non, non, ils n'ont pas une équipe de 42 derrière. Le chausson aux pommes et mélasses. Mais tu sais, oui, c'est concentré. Ricardo aussi, ça fait quand même très longtemps qu'il fait ça. Là. Ouais. Il me semble que j'étais jeune, puis ça faisait ça. Si ça vient de commencer, et on peut, dans un an, probablement qu'il va avoir une bonne banque de recettes assez intéressante. J'imagine. Puis c'est ça, tu sais, la différence, justement, et c'est ce que j'aime aussi avec les photos, ça vient compléter, mais c'est que tu as l'impression que c'est dans ta cuisine que ça se passe. C'est deux jeunes de notre âge qui font de la cuisine, qui sont pas cuisiniers, qui sont pas chefs. Ça. Fait que c'est simple à faire, ça coûte pas cher. Le site est très bien fait. Il vient d'être refait, là, en fait, là, dernièrement. Il y a des belles sections, justement. Contrairement à Ricardo, il y a une section vraiment là, sans gluten, sans lactose, oui. Végétarien. Il y a la nouvelle mode aussi des repas crus qui sont en train là, de plus en plus de mettre des recettes là-dedans. Là. C'est sans cuisson? C'est ça. Okay. C'est des gâteaux. Ben, en tout cas, la seule chose que je connais, sans l'avoir essayé, c'est les gâteaux. Mais okay. Je sais que tu peux faire différentes choses comme ça, là. Pas de cuisson, fait que ça peut être intéressant aussi. C'est comme j'ai dit, bon, facile à réaliser, qui coûte pas cher. Il y a aussi une section pour étudiants. Il y a beaucoup de vidéos aussi pour Ricardo aussi, là, explicatives de comment faire. Tu sais, des fois, ils vont utiliser un terme que tu connais pas trop, puis tu sais pas vraiment ce qu'ils veulent dire par là, puis tu sais pas comment le faire, mais souvent, il va y avoir des vidéos qui vont accompagner, puis c'est la même chose pour Ricardo, fait que ça, c'est super. Le site est devenu tellement populaire rapidement. Moi, j'ai commencé à le suivre au début de l'été et ça a tellement pris d'ampleur. Ça a été... bon, c'est sûr que ça l'aide la célébrité des deux personnes. Des deux. Là, on se le cachera pas. Mais malgré tout, je trouve que c'est une bonne option là, de site Internet qui est peu connu. Aussi, ce qui est intéressant de ce site Internet-là, c'est qu'il y a l'option Cookbook quand tu cliques sur une recette, ce qui veut dire que la... présentation, le visuel, en fait, là, de la recette va c'est changer. C'est placé comme un livre de recette. C'est ça. Fait que quand tu fais la recette, puis t'as pas à aller... T'as les ingrédients à gauche, puis les étapes à droite, mettons. C'est ça. T'as pas à te salir ton ordinateur pour descendre, puis tout ça. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Aussi, il va y avoir une boutique en ligne. Elle aussi se lance dans la mais sûrement moins intense que Ricardo avec des pubs partout. J'imagine que c'est moins intense. Ben, j'imagine, là. Ouais. Je sais pas, ça va commencer le 10 octobre. Je pourrais vous en reparler. Okay. si ça vaut la peine d'être reparlé, on va être rendu là. Puis ce que j'aime aussi beaucoup de Dur, puis c'est qui est fun aussi d'aimer la page Facebook de 3 fois par jour, c'est tellement humain, là, pour vrai, là. Tu sais, Marie-Lou, OK, là, j'ai jamais eu un amour pour cette personne, et... Mais pour vrai, elle a l'air tellement fine. Là, elle nous parle de ses recettes, puis du fun qu'elle a dans sa cuisine, puis de ses expériences. Puis elle dit, là, j'ai manqué ma recette. Puis ça marche pas. Puis elle est tellement... Elle a l'air tellement fine que t'as juste le goût d'essayer ses recettes, puis de justement, là, d'être son amie, puis de dire, OK, ben j'ai l'impression d'être dans sa cuisine, puis de faire de la bouffe avec elle. Pour vrai, ça, j'aime ça aussi, de 3 fois par jour. Fait que c'est mes suggestions de site... Internet de cuisine. Hey, moi, je suis en train de naviguer sur ce site-là. Ouais. Et puis, c'est malade. Mettons, si tu cliques sur la recette, peu importe la recette, comme tu disais, là, tu as vraiment le mode ingrédients et étapes. Mais tu peux cliquer sur « Obtenir la liste ». Et puis là, dans le fond, tu as toute la liste que tu as besoin. Puis tu peux supprimer ce que tu as. Ben voyons donc, ça hein. Génial. Donc, disons, la faire imprimer ou l'envoyer par courriel. Exactement. Puis l'épicerie avec ça. Donc, mettons, 2 gousses d'ail haché, j'ai ça. Ben, je clique sur le petit X, puis là, boum, 2 gousses d'ail haché, s'en va. Il y a un bon programmeur derrière ce site. Oui, oui, vraiment, tout à fait. Puis, mais il a aussi, pour Ricardo, cette option-là, oui. Aussi, qui est intéressante. Là. Mais il faut, Ricardo, je pense, il faut pas... Il faut avoir un compte, oui. Mais peut-être, mais je sais que Ricardo vient de changer aussi sur site Internet. Fait que peut-être que ça a changé, je l'ai pas essayé. Mais Ricardo, nouveau site Internet aussi, là, peut-être justement qu'il sentait qu'il y a de la compétition par les jeunes. Là. Fait qu'il s'est dit, je vais renouveler tout ça. Et ça, c'est ricardocuisine.com, le site ouais, de Ricardo? Oui, c'est ça. Okay. C'est en plein ça. Good. Puis, puis 3fois par jour.com. Total. Ouais. Exactement. Yes! Mais merci, Angélie Durocher. 3 fois en lettres. En lettres? Oui. Oui. Oui. OK, je savais pas. D'accord, j'avais pas mal. C'est ça. Fait que j'espère que je vous ai donné l'eau à la bouche et que... Juste la page d'accueil de 3 fois par jour m'a donné l'eau à la bouche. Mais le, il y a tellement de bonnes recettes là-dessus. Là. Je me suis gâtée cet été la limonade fraise et je sais pas quoi, le sirop d'érable. Ouais. C'est excellent. Trip smoothie, la fille a fait plein de smoothies, Marie-Lou. Il y en a plein au bleuet, aux fraises. Oui. Puis, au thé. Cet été, j'avais vu passer David Stee qui disait comme merci à Marie-Lou parce qu'ils ont vendu les... Je ne sais plus c'est quelle sorte de thé, mais les ventes ont comme explosé avec sa recette. C'est, en tout cas, c'est bien fun. Oui. C'est génial. Merci beaucoup, Anne-Julie Durocher. Ça fait plaisir. On se retrouve mardi prochain à 8h30 oui. Pour l'index d'Anne-Julie. Bonne journée. Bye. Nous, on va se quitter avec une pièce de Malajub. L'ancienne intro de Tu manges mon cœur dans le temps que ça s'appelait Ton plat favori, ben c'est fait avec la chronique. Ah, hein? Oh, ben oui. Ton plat favori, Malajub, c'est fou, 80 FM. Comment faire? Ça me surprend que je l'ai jamais mis dans, dans les paroles des autres, cette chanson-là. Ben, c'est peut-être l'intro. Peut-être, non, peut-être qu'on va attendre vu qu'on vient de la jouer. C'était ton plat favori de Malajub, qui est évidemment aussi l'intro de Tu manges mon cœur, la chronique qu'on a faite tantôt et qui allait avec la chronique d'Angélie Durocher. Mm-hmm. Oui. Maintenant, on continue avec une autre chronique maison. Voici Kinky Sexy Time. On verra. Kinky Sexy Time, qui est la chronique sort de cet effet où on fait des choses véritables et vérifiables. Mais là, on se, comme tu m'as mimé, on fait le ciseau. Les relations lesbiennes. Oui. Donc, commençons avec ce fait. Commençons par la fin. Ici. Environ combien d'argent est dépensé chaque année sur des danses, là, des lap dances, des danses à 10, c'est ça? Oui. Je pense que ça a-tu monté avec l'inflation, le salaire minimum? À Las Vegas. À Vegas? Juste à Vegas. Juste à Vegas. Combien par année? Moi, je dis que ça dépasse le million. Oui. Est-ce que ça dépasse 10 millions? Oui. Okay. Est-ce que ça dépasse 100 millions? Non. OK. 50 millions? Non. Plus bas. Donc, entre 25 puis 10 millions. Oui, exactement, entre 25 et 10 millions. 25, fait que, mettons, 17 millions. Non, 25. Oh. C'est ça. Je t'ai dit exactement entre, ouais. Là. Non, t'as raison. T'as des mauvaises réponses, après ça, t'es choqué. Oui, oui. 25 millions de dollars sur des lap dances à Las Vegas par année. Qu'est-ce que... C'est beaucoup d'argent. C'est pas pire, hein? C'est-tu déclaré? Pas sûr. Qu'est-ce que l'anuptaphobie? L'anuptaphobie. Avoir peur de se mettre nu. Oh, je pensais à dire quelque chose avec anu. Anu. Non. C'est la peur de rester célibataire. Ah. Triste, hein? Anuptaphobie. Qu'est-ce que l'atazagoraphobie? Atazagoraphobie. OK. Ça, c'est la peur. Ataza, voilà les Dalton. Ou sinon quelque chose avec Aladistasio. Oui. Non. L'atazagoraphobie, c'est la peur de se faire oublier ou ignorer par quelqu'un que t'aimes beaucoup. Ah, triste. Qu'est-ce que l'atichiphobie? Atichiphobie, atichiphobie. Atichi. Oh, oh, attention. Oh, oh. Oh. Un rapport à quelqu'un? Non. OK. Non. La peur de... Attaché? Ah oui, attaché, ouais, je sais pas. Avoir peur d'être attaché puis d'être oublié par quelqu'un que t'aimes. Ça répète ça. Non, ça décrit une personne qui a peur de ne pas être assez bon pour la relation avec une personne spécifique. Donc, mettons, je suis pas assez bon pour toi. T'sais. OK, comme 100% des ruptures. Ben, tu sais, t'es trop parfaite pour moi. C'est ça. C'est pas toi, c'est moi. Oui, c'est ça. Jusqu'au 17e siècle, ça c'est bizarre, les nounous, les nannies, masturbaient les enfants pour les endormir. Ah! Bah! Comment le dire? Comment le dire? Je sais pas comment le dire, tu sais. Ça fait un... Touché de façon... Ça fait un malaise. C'est un petit malaise. Donc, ils faisaient ça jusqu'au 17e siècle. La bassorexie, c'est une condition médicale où une personne sent un besoin extrême d'embrasser. Bassorexie. Bassorexie. Les odeurs qui vont augmenter le flux sanguin vers l'engin masculin. La lavande, la réglisse, le chocolat, les beignes et la tarte à la citrouille. Ça va faire que plus de sang va s'envoyer là. Les ça beignes. Va lever plus. Oui, les beignes. Ouais, c'est surprenant. Ça a l'air bon, tout ça. C'est pour ça que il y a beaucoup de personnes âgées qui se tiennent chez Tim Hortons. Ça sent tout le temps la lavande des personnes âgées aussi. Fait que t'as ça, un mix. Oui. Ça me rappelle le bon temps avec Roger. Hey, t'es donc bien bon pour cet accent-là, toi. Oui, pas pire. Tu nous enregistreras des vous écoutez assemblage récit, c'est fou. Oui, ici normal amour. Une personne moyenne va dire dans sa vie 123 255 750 mots, va avoir des relations sexuelles 4239 fois et va perdre 121 pintes de larmes dans sa vie. Donc il y a peut-être un des trois qui est sexuel, mais quand même, mais quand même, ça a été mis sur Sex Fact. Oui, mais tu peux tout accumuler. Oui, l'un va avec l'autre aussi. Oui, hein? Tu vas dire des mots d'amour. Oui. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps, voilà. Parce que c'est pas toi, c'est moi. Non. Puis, après chaque relation sexuelle, tout le temps en boule dans le coin, en train de pleurer. Oh, c'était trop bon. Ouais. Oh non, je peux changer. Certains hommes peuvent avoir de la douleur, des maux de tête et des éternuements à cause de l'éjaculation. Oh. Ça arrive, ça. Pour certains hommes. Pour éviter une infection du conduit urinaire, les physiciens recommandent de changer de sous-vêtements au moins une fois par jour. Minimum. Minimum, ça pourrait être deux. Mais minimum une fois. Bon, en tout cas, je sais pas, là. Je sais pas s'il y en a qui font vraiment pas ça. Moi, ouais, c'est ça. Je comprends comme pas comment tu changes pas. Puis changer, ça veut pas dire les virer de bord, là. Non, non, c'est non, ça. Non, non, non, non, non. Tu veux dire le devant en arrière? Oui. Les scientifiques ne sont pas certains pourquoi les humains ont des poils pubiens. Leur théorie est que ça attrape les sécrétions, les phéromones, là, ce qui fait que t'es attirant pour... les autres. Les odeurs sexuelles, finalement. Mm-hmm. Donc, ça, c'est ce que ça fait. Ça les poigne, ça les garde, là. J'ai oublié de chercher ce mot-là. Sheath. Qu'est-ce que ça veut dire? Sheath. S-H-E-A-T-H. Si vous avez la réponse à la maison, là, vous êtes vraiment bon parce que c'est un mot que j'utilise absolument jamais. Gaine. Donc, le mot vagin veut dire gaine en latin. Donc, ça suggère que l'amour et la guerre sont connectés depuis des millions, des milliers d'années. Une gaine comme, évidemment... pour mettre son couteau. C'est ça, une gaine? Mm. Pour mettre le couteau. Mettre le couteau, c'est ça? Oui. Le couteau vole dans la gaine? Oui. Donc, le plus venant le... C'est ce que j'avais dit. Tiens, le mot hymen, l'hymen de la femme, ce qui est le sceau de ne pas ouvrir, ne pas utiliser si oui, si ouvert. Oui. Donc, avant, on appelait ça le voile du temple. Le voile du temple. Oui. C'est romantique. C'est très romantique. Et c'est dans la même famille que le mot hymne, comme un hymne national, et c'est nommé en l'honneur du dieu grec du mariage, nous dit-on. Là, c'est de la traduction simultanée. Là. Je ne suis pas convaincu de chacun des mots que j'ai dit. Mais le voile du temple, c'est pas possible. Ça a bien du sens. Le mot mariage, d'ailleurs, qui vient du latin, qui veut dire mâle ou masculin. Entre 10 et 12% des femmes aux États-Unis n'ont jamais eu d'orgasme. Never. Jamais. Ben, tu sais, c'est qu'il y en a que l'endroit où l'orgasme se résulte. Ça résulte. Oui. Et t'es un petit peu plus à l'extérieur, sur les parois externes de l'entrée. Et l'engin masculin, il va plus aller jouer dans le fond. Donc, il faudrait y aller avec les doigts. Et des fois, ben, les relations, les gars sont pas très, très préliminaires par moment. Donc, ces femmes-là n'auront jamais eu l'orgasme. Pour vrai. Pour vrai, prenez ça en soin. Ben oui. Le satyriasis. Qu'est-ce que c'est, le satyriasis? C'est une maladie. Si on veut, oui. Un virus? Non, un désordre. Plus. Un désordre? Un désordre. Je sais pas. C'est le pendant masculin de la nymphomanie. Ah! Satyriasis. Mm. La science de s'embrasser, c'est la philématologie. Oh. Ça ressemble à des timbres, mais c'est... Oui, la philatélie, mais c'est pas ça. Un petit Hershey's Kisses, tu sais, les petits chocolats de Hershey, ça contient 26 calories. Ça prend environ 5 minutes de marche ou 4 minutes d'embrassade pour se débarrasser des calories d'un Hershey's Kiss. Choisis ton camp. Oui. Est-ce qu'on va prendre une marche? Non, embrasse-moi. Embrasse-moi, ma chérie. Avec du chocolat dans la bouche. Embrasse-moi, ma chérie. Les chimpanzés communs, okay, juste les bien normaux chimpanzés, vont embrasser avec la bouche ouverte, mais pas avec leur langue. Alors que les bonobos, les primates les plus intelligents, vont, eux, embrasser avec leur langue. Choisis ton camp. Avec un Hershey's Kiss dans la bouche. Avoir la vessie pleine, ça va mettre de l'intensité, ça va intensifier, disons, l'orgasme d'une femme. Ah, d'avoir la vessie pleine. Mais tu sais, c'est ce qu'on dit aussi, j'avais déjà lu un fait là-dessus par rapport aux les gars qui se touchent, là. Buvez un verre d'eau à quelques minutes avant pour avoir envie de... Ça va faire un plus gros... C'est ça. Comment dire avec classe? Oui. Avoir un orgasme, ça va relâcher des hormones antidiurétiques. Et c'est pour ça que tu as de la difficulté à aller aux toilettes après avoir eu des relations sexuelles. Antidiurétique, ça veut dire diurétique, ça veut dire qu'il fait faire pipi. Qui fait faire pipi. Antidiurétique, c'est le contraire. 80% des femmes utilisent des vibrateurs pour se rendre à l'orgasme par stimulation, clitoridienne, on dit, au lieu d'y aller en l'insérant complètement dans le... Juste sur le bord. Juste sur le bord. Et ça fonctionne, c'est 80% et même plus des femmes, parce que vraiment, c'est très commun que les femmes ne peuvent se rendre que par là. 40% des femmes ont eu des orgasmes en faisant de l'exercice à plus de 11 occasions dans leur vie. 40% à plus de 11 occasions dans leur vie. J'aimerais savoir ça. Oui, c'est le fun. Ça doit être l'équitation. Ça donne envie de faire du gym-moi de l'équitation. Ou du pogo stick. Oui. les fesses d'une femme vont sortir par en arrière de 25% plus qu'à l'habitude lorsqu'elle porte des talons hauts. Ah oh! Ça va la rendre plus attirante, donc j'imagine que c'est pour ça qu'il porte des talons hauts. C'est pour ça. Pas juste pour s'agrandir. Moi, c'est pour ça que j'en porte pas, sinon... Sinon, quand même. Il faudrait que t'es tasses comme des mouches. Les terminaisons nerveuses de l'engin féminin sortent jusqu'à où les poils sortent, dans le fond, de cet endroit-là. C'est pour ça que le frottis frottant va être très, très bon pour la femme. Elle va ressentir des choses parce que les terminaisons nerveuses vont jusqu'au poil. Mm. Le dry humping, qu'on appelle. Mm. Ou se faire zigner. C'est à peu près ça que ça veut dire en français. Dans le vieil anglais, le mot whore, c'est une pute, là. Ouais. Ça voulait dire désir à l'époque, ce mot-là. Ça a changé. Mm. Et celui-là, tu me diras si on l'a déjà fait. Le mot forniquer. Fornicate, ça vient du mot fornix, F-O-R-N-I-X, qui était le sous-sol où les prostituées travaillaient. Ah, fornix. Intéressant. Forniquer, fornication. California, dream of californication. On joue ça, non? Oui. On ne mettra pas nécessairement ça. On va retourner en musique, par contre, si tu le désires bien. On va aller entendre une pièce du palmarès, évidemment. Évidemment, c'est pas mal francophone. Oui. Un petit peu de Midi Cayenne Club. Ah, oh, pourquoi pas. Parce que peu importe qu'il soit midi ou minuit, hein, quelque chose de sexe. Quelque chose avec du sexe. Oui. Je sais pas. C'est quoi la pièce déjà de Midi Cayenne Club qui est sortie? L'art pour l'art. L'art pour l'art, bien sûr. Comment l'oublier? Mm-hmm. Là voici Assemblage Rookie. C'est toi qui es fait de ce bar-là, j'ai essayé de ce bar-là, ça marche pas. Ouais, on est mêlés aujourd'hui. Je peux mêler. À l'art pour l'art, parce que j'ai honte de notre monde, parce que je voudrais le guérir avant d'en mourir. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas où commencer, pour faire renaître les rires, pour couper les barbelés, les faire sortir de l'enfer, ces fillettes prises à mendier. Je suis-tu aux prises avec ma carrière, je suis-tu un idiot en dimanche? Retour à la chronique d'art et spectacle d'Alexandra Carignan en étant une culture. Aou! Aou! Aou! Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 489-1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, donc, vous êtes toujours à Assemblage Requis. Lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Lui, c'est Mathieu Plante. Mm-hmm. Et dans quelques minutes, ce sera Alexandra Carignan qui va être avec nous sur une de ses trois chaises. Oui. Elle a le choix. Chacune cache un prix en dessous. Oh, oui. Bravo les beautés. Oh. Merci, Julie. Merci, Julie. Julie-Philippe. Oui, c'est après vrai. Marie-Philippe. Nous voici Julie-Philippe. Julie-Philippe. Que j'ai été séparé à la naissance. Oui. Oh, bien oh, ma foi. Non. Hey, David Ferron, il va enregistrer quelque chose avec Marie, Marie Melon, son personnage tellement apprécié de tout public, gagnant de Jutra. Oui. Les Hamey. Les Hamey. Les Hamey. Hamey. No me, don't know me. Voici I Love You de Sid O'Well. When I learned that I had a brother, I made up a dance for you. We'd be crime fighters together and do things that brothers do. When you told me about his mother and all that she'd been through, what could I do? You got it wrong, but I love you. You got it wrong, but I love you. We get along and I love you. You know, you know, you know, I love you. I Love You de Sad Well à Assemblage Rocky. Ça, là, ça, là. Ça, ça te parle une journée. Ça, là. Rien de plus à dire. Moi, c'était. Non. Moi, ma phrase finissait là. Ça, là. Ça, là. Toi, là. Mon. Toi, là. Ouais. Dans quelques instants, ce sera notre ami Alexandre Carignan qui s'installe à l'instant. S'installe oui. À l'instant. C'est comme une allitération. C'est comme. C'est beau. Oui. La langue française. La langue française. Tu vois, quand on n'a rien à dire, c'est ça qu'on dit. C'est incroyable. C'est pas ça qu'on dit. Mais pour l'instant, The Danks. Et un nouvel extrait de leur CD qui s'appelle Gank. C'est sur le palmarès anglophone. On écoute Experimental Fiction. Puis j'écoute. J'écoute. J'écoute. J'écoute. C'est mieux. C'est mieux. The Dags et leur pièce Experimental Fiction sur l'album Gank à Assemblage Rocky. C'est nouveau sur le palmarès anglophone. Et maintenant, on l'a annoncé tantôt et vous l'attendez. On arrête de remettre ça plus tard. Mm-hmm. Parce que c'est là. T'sais, le moment présent, c'est bien important. T'sais. Tout de suite. Donc, c'est le temps d'une culture. Alexandra! Allô! Ça va? Ça va très bien. Tu fais un gun avec ta main. Je fais tout le temps, mais moi, je l'aime, ma toune. Mais ça. Moi, je suis là, à chaque fois, là. Wow! L'entraîne est inévitable avec cette chanson-là, peu exactement. Importe ta matinée. Comme ça, ça va bien. Ouais. Donc, tu nous parles d'art et spectacle, d'art et culture, comme toujours. Et oui, je vais vous parler de deux choses. Comme 90% du temps d'impro. c'est immanquable, c'est tellement le fun, l'impro. Ça fait partie de la vie. Et quel bon match hier. Ah oui. Est-ce que tu as aimé? Oui. Tant mieux. C'était... Surtout l'impro, c'est fou. Ah! Est-ce que tu l'as... En vidéo. En vidéo. Oh, je montrerai tantôt. Juste l'impro, c'est fou. C'est bon, juste l'impro, c'est fou. Mais pour de vrai, hier, on va commencer avec ça. Tantôt, ouais. Je vous parlerai d'art visuel, mais bon, hein, pour l'instant, les vraies choses, l'impro. micro. Hier, c'était le premier vrai match de la lutte parce qu'on avait seulement eu un showcase avant. Donc, un showcase où est-ce que toutes les quatre équipes jouaient. Showcase, un spectacle valise. Oui, c'est ça, un spectacle valise. Donc, un spectacle où est-ce qu'il y avait deux manches d'une heure, en fait, pour où est-ce que deux équipes s'affrontaient. Ce qui n'a Ça comptait au classement, hein? On s'y méprend pas, ça comptait. Mais c'est pas un vrai match parce que, on va se le dire, là, t'es dedans pas mal vers la fin de la période. C'était plus court, c'était très très short and sweet. Ouais, c'était short and sweet, on avait tout vu. Maintenant, là, c'était le vrai premier match. C'était les oranges contre les verts avec le succulent. Mais c'est quoi, c'est le succulent mais détestable, Jocelyn Garneau comme. Ah oui! Succulent, détestable, il a donné des punes en tabarouette. Il n'y avait pas la même mort. Ça, c'est des punitions. Des punitions. Okay. Il était en forme, cet arbitre. Incroyable. Incroyable. Oui. Je me suis demandé s'il était pire que Rémi Francoeur. À un moment donné, oui. Je pense que oui. Il est vraiment allé, genre, il a mitraillé hier. Mais ça a quand même fait lever le parti. Oui, ben en fait, c'est ça. Tu sais, il y a un équilibre à savoir quand on est arbitre. Il faut pénaliser. Mais faut toujours justement le faire dans le but du spectacle. Oui, il faut que ce soit divertissant. C'est ça. Puis à date, ça a été très divertissant. Surtout la joute d'insultes entre l'animateur Maxime Tanguay. Oui, et il est fort là-dessus, Maxime Tanguay, pour se défendre contre les punitions. Oui, mais là, je pense que c'est fait un petit peu... Mais en fait, Maxime était animateur à la deuxième moitié du match. OK, et ils ont fait ça. Moi, je pense que c'était juste pour le showcase, là, les deux... les animateurs ont changé en cours de route. Okay, oui. C'était-tu comme ça avant aussi? Non, c'est qu'en fait, la co-animatrice était retenue pour la générale à la vieille prison pour le truc de zombie. Aha. Alors Maxime l'a remplacé. Okay. C'était pour ça. Merci pour l'information. Oui. Ça fait plaisir. Mais bref, c'était un très bon match où est-ce que les oranges et les verts se sont tous les deux battus. On peut pas dire, parce que moi, je peux pas dire qu'il y a une équipe plus forte que l'autre. Il y en a peut-être une qui a plus de cohésion que l'autre, mais... Mais les verts ont moins de, à moins que je me trompe, de gang, là. Mais il me semble que les oranges, ils ont plus de nouvelles personnes, de recrues, n'est-ce pas, que les verts? Oui. Mais en fait, recrues, on s'entend, les oranges, là, Joe Côté, là, il joue à lui. Oui, c'est des recrues pour la recrue d'expérience. En fait, Joe Côté, qui est dans les oranges, c'est le Francis Sasseville de l'année passée. Ah, okay. Ah oui, et puis il était en forme, là. La vedette. Hier, il était en forme en tabarouette. Moi, t'as le dire, c'était efficace. Autant les. Mais tu sais, en même temps, Zueki aussi était en forme malgré son bras dans le plâtre. Qui est dans les verts, lui? Oui. Lui est dans les verts. Donc, les deux équipes ont mené un match qui était vraiment très bon. Se sont tirés la couverte d'un bord et de l'autre. Il n'y a pas une équipe qui s'est laissée écraser par l'autre. Je pense que ça a quand même été, de ce côté-là, du point de vue du jeu, là, assez quand même égal. On a eu des très beaux bijoux d'improvisation. Et là, évidemment, celle qui me vient en tête. Jocelyn avait une très bonne idée, c'est de faire des mash-up. Donc, on avait... En fait, les équipes avaient le choix de faire une Shakespeare à la manière d'une science-fiction. ou de la Bible à la manière d'un manga japonais. Wow! Malgré que les oranges ont fait un très beau Shakespeare sci-fi, les verts avec leur biblique manga, là. C'était. En fait, Alex, c'est Alex Wiki qui narrait au micro pendant que les deux autres mimaient, les trois autres, je ne me souviens plus combien de les joueurs. Les trois autres mimaient, là. Je l'ai sur vidéo. Parce que c'était un peu... C'était... Tellement intense. Zueki a dû perdre du livre en faisant ça. Tellement il était partout. C'est ça, sa technique. Oui, c'est ça. Il fait des narratives. Mais c'était vraiment très bon. Zueki mettait du rythme. En fait, on va se le dire. Je sais pas si les verts ont eu un décrochage, mais les joueurs sur la glace savaient pas trop quoi faire. Ils écoutaient Zueki puis fait « OK, bon, là, je suis rendu là. » Oui. Ça divague. Mettons que ça déraille assez facilement avec Zueki, mais c'est ce qu'on aime de lui. Mais oui, en fait, et c'était vraiment très, très bon. D'ailleurs, la fin de l'improvisation a été un gros clap, là. Standing ovation. Ouais. Ben, pas une standing, mais... Bon, on a eu le droit aussi... je sais pas si t'allais en parler, là. Je veux pas couper ta chronique, mais le drame... On a eu à la manière d'un drame... Oui, d'un drame... j'avoue que cette fois-là, je l'ai pas écouté. Raconte-moi donc ça. Oui, ben écoute, je me souviens plus du thème, qu'est-ce qui se passait, mais c'était il fallait que ça soit joué à la manière d'un drame. Et puis écoute, c'est rare qu'on avait une chasse quand même silencieuse parce que c'était pognant. Ah oui, c'était un drame psychologique où il y avait la toune de ça. Okay, oui, exactement. Ça, et puis c'était Zueki qui entendait des voix. Donc Alexandre qui interprétait quelqu'un qui entend des voix, je pense que je viens de le dire. Puis les autres joueurs des deux équipes, parce que c'était une mix, faisaient ces voix-là. Et puis il y a eu une tellement belle chimie, je pense, entre les deux équipes qui ont compris exactement où est-ce qu'ils s'en allaient. Ça, vraiment, là, c'était comme un film que t'écoutes un drame, puis tout le monde était pogné dans son siège à faire comme mon Dieu que ça va mal, il y a de la détresse. C'est vrai, c'était vraiment très bon. Intense. Et c'était surtout à la fin de la deuxième, alors que le public n'écoutait plus, mais pour celle-là, oui. Il écoutait. Mmh. C'était un très bon match. Finalement, ça s'est fini par un score de 6 à 8. Pour de 8 à 6, j'ai de la misère à moins que ça. Je suis pas une sportive. Hein? Je te comprends. 8 à 6 pour les oranges. Donc, pour les verts. C'est les verts qui ont gagné. Les verts ont gagné. Alex! Je dorme un gros caca, moi. Mais c'était donc, en effet, c'est ça. À ma défense, oui. J'écoutais pas vraiment, je mettais des tunes. C'est pour ça qu'on est là. C'est ça, vous êtes là pour ça. Alex, il est rendu DJ dans la huître. DJ Delicious. J'aime bien Delicious. Ça. Ben, c'est ça, donc c'était un très bon match, les verts ont gagné. Oui. Bon. Mais surtout, en fait, c'était un match qui montre que la huître est en santé. Qu'on peut, même si on n'a plus les vétérans qui étaient là, on a quand même un spectacle de qualité. Oui. Et on va là pour rire et on a ce qu'on veut. Comme on dit, la huître est toujours en saison. Ils disent pas ça, mais moi je le dis. Ça, tu le dis. Parce que les huîtres sont oui. en saison. Ah. Ouais. Tous les mois qui finissent en bre. C'est ça. OK, oui. Bon, pas vraiment. C'est un slogan de marbre. Alors, si vous voulez voir les autres matchs de la huître, c'est à 19h30, tous les lundis à la Chasse Galerie. Et c'est gratis. Oh, pas cher. Comme il y a un slogan qu'on a voulu utiliser à la huître, mais qu'on l'a pas fait parce que c'était un petit peu trop ambigu, mais c'était du fun dans ta chasse. Du fun oh, dans mon ta Dieu. Chasse. Ben, c'est ça. Ça, c'est Pascal Chalette-Janson, hein? Oui. Qui pensait c'était un beau. Ben, moi, je trouvais ça écœurant comme slogan. Mais, en tout cas, alors du fun dans ta chasse tous les lundis. Ben, ça me rappelle le stade de la chasse galerie qui appelle la Snatch Galerie, puis ça, je trouve ça encore pire. OK, sur ce malaise, fait, hein? Oui. On va aller voir les arts visuels. Alors, après ce papier, en fait, jusqu'au 27 octobre prochain, il y a une magnifique exposition qui est présentée. Moi, j'ai été agréablement surprise. Je m'attendais à rien. C'est en fait une exposition qui n'avait pas de vernissage. Hein? Mais on comprend, en fait, l'artiste est serbe. Donc, il n'est peut-être pas venu pour un vernissage. Hein? Okay. Alors, l'artiste serbe Aleksandar Lekamladevonik. Non, je reprends. Aleksandar Leka Mladenovic. OK, là, j'ai C'est comme Aleksandar Karinian. Ouais, presque. Hein, y a une similitude assez frappante. T'es serbe. Je suis serbe. Serbette. Alors, sorbet. Sorbet. Comme un sorbet, coloré. Bon à licher, hein? Oui. Aux arts visuels. Oui. Alors, on a un artiste serbe qui présente l'exposition Monanarchiste. Et là, vous faites « Ah, mais c'est comme un mot valise, donc monarchie anarchiste. » C'est une exposition, en fait, qui a deux aspects. Et là, il faut préciser que l'exposition qu'il présente, c'était pas censé... En fait, on retrouve deux sets d'œuvres. Et ces œuvres-là n'étaient pas censées se retrouver dans la même exposition. C'est un mash-up encore. C'est ça, c'est un mash-up. Ben, c'est pour ça, en fait, son mot le dit, en fait. Parce que la première série, quand on rentre à droite, et là, je vous décris tout, hein. Quand on rentre à droite, 90 en fait, degrés vers... 90 degrés vers là-bas. C'est, en fait, des portraits de monarques serbes qui ornent les murs. Et là, c'est de l'estampe, hein, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est de l'estampe. Alors, et c'est vraiment beau, sérieusement. Moi, j'ai mon petit côté historique, et peut-être que... Tu sais, là, les vieilles photos, là, fin 19e siècle, là, début 20e... tu sais, Anastasia pis tout là. Donc, mais Anastasia n'est pas serbe, là. Tant qu'à ça, on peut se dire le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Là. Mais. Tu m'as perdu depuis au moins 2-3 minutes. Bon. Regarde-moi pas. Regarde-moi. C'est un serbe qui a été tué, Franz Ferdinand, et non pas le groupe rock. Pas le groupe rock, ok. Non. Monarque, c'est mon papillon. Oh là là, on part de loin. Bref, la Première Guerre mondiale a été déclenchée par le. Par un groupe de rock. Ouais, par un groupe de rock. Alors, on voit une exposition. J'arrête. C'est une exposition qui présente justement les portraits de monarques serbes un peu modifiés avec des couleurs pimpantes. Mais on a tout le temps le portrait qui est comme fait, on dirait, au crayon, là, un peu. C'est superbe. Et là, on regarde à droite et c'est une mosaïque de photographies de groupes punk. Oh! Wow. Dans des tons de fluo. Okay. Et pourtant, ça va bien. Et c'est pour ça que le mot est là, monanarchiste. On a la monarchie avec le portrait des monarques serbes. Et de l'autre côté, on a l'anarchie reliée au groupe rock. C'est en fait, souvent, ben, plus punk. Là. Je vais enlever le rock, là, je me suis trompée, c'est du punk. Vraiment. Là. Parce qu'en fait, le punk est souvent relié justement à l'anarchie. Hein, le gros A, là, pis tout, là. Alors, on retrouve ça. Lui, en fait, c'est que il a fait des œuvres pour des groupes punk, souvent pour des pochettes, et il a décidé d'en faire une espèce de mosaïque, de suivre ces groupes-là, de prendre des photos. C'est superbe. Dans les tons de fluo, là, ça en change vraiment de l'autre. Hein? C'est pas la même chose du tout, mais ça vaut la peine. C'est gratuit, hein? L'atelier presse-papier. Souvent, le monde n'y pense pas, mais c'est pas si gros que ça. Ça prend pas tant de temps. Ça prend pas tant de temps. Mais c'est tentant. Mais c'est tentant. Viens avec ta tante. Voilà. Viens avec ta tante. Sous la tente. Oui. Sous la tente. Quelle attente de faire une blague. Vous êtes terrible le matin. Je vous aime pareil. Vous autres aussi. Alors, l'atelier, vous vous aimez pareil. On s'aime pareil. Oui, oui. Love, love, love. L'atelier presse-papier, en fait, qui est sur la rue Saint-Antoine, ça vaut la peine d'aller visiter. L'exposition d'Alexander Lekamladevnovic sera présentée jusqu'au 27 octobre prochain. Et là, ces temps-ci, là, je mentionne une exposition en art visuel, là, mais je pense que j'ai 12 articles. Alors, il y en a plein. Faites un tour des galeries au centre-ville. Ça vaut la peine. Cool. Merci, Alexandra Carignane. Ça me fait plaisir. C'est le fun. On a eu du plaisir encore ta chronique tout le temps. Tout le temps, mm-hmm. Ça. C'est mais pas, tant mieux. C'est pas grâce à toi, c'est parce qu'on est foufou. Là. Ben non, c'est pas grâce à moi. Non, c'est parce qu'on est foufou puis on dit n'importe quoi avec toi, toi. Avec quoi, moi? En fait, parce que je pense plus parce que je vous laisse dire n'importe quoi. Ah, ben c'est sûr que si tu disais à chaque fois une chronique, oh là, les gars, là, vous êtes lourd. Ouais. Sérieux, vous arrêterait. Êtes lourd. Mais à date, il n'y a personne qui fait ça. Non. C'est pas parce qu'ils sont gênés, ça. C'est peut-être ça. On est quand même des vedettes de la radio, c'est hein. C'est intimidant. Hein? Oui, Colin. On devrait se faire des tasses avec nos faces. Oui! Oui. C'est comme dans la Community. Oui. Je sais pas si vous écoutez ça. Ils font leur émission du matin. Try and habit in the morning. C'est quand ta fête, Mathieu? En mars? Ça sera en mars. D'accord. Peut-être que je te donnerai ton cadeau de fête avant. Peut-être, merci. Ah, Colin, j'ai toujours rêvé d'avoir une tasse à sandwich rocky avec nos faces. Oui. Mais il fallait que la tienne ait ma face puis la mienne ta oui. face. Oui, on pourrait se boire dedans. Oui, on se boit dedans. Ah, oh, dégueulasse. Donc, on s'en va écouter le célèbre peintre, c'est ça, Franz Ferdinand? Non, c'est pas un peintre. C'était qui, là, tantôt, le gars qui a parti une guerre, là? C'est un roi. Juan Felipe. Voici San Cisco, la formation avec la pièce Awkward. Oui. Rien à voir, Prince Ferdinand. Oh. Cause you've been gone. San Cisco et Awkward, c'est ce qui termine cette édition d'Assemblage Requis. Demain, on parlera de la vaisselle. Ouf, oui, demain, on fera la vaisselle en ondes. Ce sera le vaisselle auton. Oui. Entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. On remercie Angélie Durocher. Oui. Pour la chronique L'Index. Alexandra Carignan. Pour le temps d'une culture. Et puis, merci à Charles-Antoine Rioux de nous avoir pris le temps de nous concocter une petite lettre que j'ai lue avec une voix suave. Ah, c'était timbré, comme on dit. Timbré. Oui. Demain, l'émission sera pour Ingrid Arneberg, qui va être des noms pour parler de relations parents-enfants dans la course au trésor. Stéphanie Paradis va nous donner un avant-goût du prochain Zone Campus. En fait, ça va être du plus récent parce qu'il sort aujourd'hui. Donc, oui, en kiosque maintenant. Ce sera plus un avant-goût demain. Et Lily Brunet-Saint-Pierre qui va discuter avec nous de ce qui la préoccupe avec l'aplomb dans la tête. C'est demain à l'émission. Mais on jasera peut-être d'école publique. Oui, oui, avec quelqu'un pour la semaine des écoles publiques. Voilà. Restez à l'écoute à partir de 11h pour le Dîner de con avec Danny Janvier. En après-midi, c'est Rock Classique version écourtée avec Alain Lefebvre. Je serai de retour à 16h, 17h, 17h pour les Paparazzi Fou édition Top 10 avec Stéphanie Paradis. 18h, La vie en mauve avec Karina et Mylène. Et à 19h, c'est Réanimation. Mais pour l'instant, dans quelques minutes, une demi-heure environ, c'est Les Mâles Honnêtes, l'émission de politique. Voilà. Restez avec nous sur C'est fou! C'est fou! Aïe,